Indestar. Bienvenue à tout le monde, vous êtes sur votre radio préférée Indestar avec les Peck Avengers de 21h à 23h. Eh ben non, on m'entendait. Pardon. Eh ben non, eh ben chef. Et voilà, ça commence. Ça y est. Producteur, là. C'est le jeudi, c'est normal, il est 21h, on commence mal, comme d'habitude. Non, direct. Pas comme d'habitude. Non, c'est un petit taquet comme ça. Même les voix aujourd'hui sont mal transportées. Bah oui, voilà. Bon, il est 21h, oui. C'est Peck Avenger. Vous êtes sur Indestar, comme d'habitude. Ouais. Vous êtes au rendez-vous, enfin j'espère en tout cas. Qu'est-ce que vous avez fait de votre semaine? Parce que moi j'en ai des trucs à vous dire. Ah. Galen, t'as fait quoi toi? Ah bah je suis allé à une avant-première hier soir, je suis allé voir le film La Belle Équipe, donc c'est sur l'écharpe. C'est pour ça que t'as une superbe écharpe. Oui, en entrant dans la salle de ciné, ils nous offraient une écharpe. Ah ouais? Pour une photo à la fin où on se lève et on agite l'écharpe. D'accord, donc c'est vraiment un truc sur le foot? Oui. Parce que c'est une écharpe de foot. Oui, c'est une écharpe de foot. Et t'es un footeur toi un peu, non? Ah non, pas du tout. D'accord. Alors là... Mais du coup, t'as le look parfait du footeur maintenant. Ouais. Juste avec l'écharpe. C'est génial. Il me manque plus que ma bière. Ah. Il y en a une dans le frigo. Dans le frigo. Il y a de la bière. Bon bah, super. Ouais. Antoine, as-tu fait quelque chose? As-tu nettoyé du caca aujourd'hui? Non. Ah, j'ai pas travaillé cet après-midi. C'est vrai? Ouais. Grève, mon ami. Ouais, il y a grève à l'école primaire, donc. Ah bah, toi aussi tu fais grève. Ah bah, l'autre, tout de suite. Mais t'es pas fonctionnaire. La pire, c'est que je suis quand même payé, je m'en fous. Ah là, il y en a qui ont vraiment de la chance. Ouais. Et du coup, t'as fait quoi? Rien. J'étais chez Joanne, j'ai préparé l'émission de la semaine prochaine, dis-le. Ainsi que celle de ce soir. Est-ce qu'on a un truc qui applaudit? Attends, est-ce qu'on a des applaudissements? On a des applaudissements comme ça à la main, mais en théorie on a un beau bouton aussi applaudissements, parce que là il faut envoyer des applaudissements. Ouais, mais je crois qu'on en a pas. On va pas l'avoir. Donc je crois qu'on va rester là-dessus. Bah du coup on va dire... Non, il y en a pas là. Tiens, on va dire celui-là. Ah bah non, on va pas le dire parce que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bah parce que, voilà, regarde. Je lègue ma guitare à Obispo. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais on va le mettre quand même. Ça peut être un petit steak sur celle-là. Ah, attends. Ah, attends. Ça aurait pu marcher. Bravo Antoine, bravo. Bravo, on est fiers de toi. Je tiens à préciser, c'est la première fois qu'Antoine prépare quelque chose à la main. Non. L'enfoiré. Il fallait bien l'applaudir quand même. Ah bah oui. Comment il tacle? Ah, tout ça, je le prépare deux jours à l'avance. Oui, non mais deux jours à l'avance, ça veut dire semaine par semaine, mais ça c'est à peu près ce qu'on fait tous. Genre là, t'as préparé avant la semaine prochaine en gros. Ah ouais, t'aurais préparé ça genre demain, bah ça aurait été bah, comme nous en fait. Mais c'est bien, je suis fier de toi. Après-demain, à partir de quand? Bon, juste demain. Parce que si le mec il dit après-demain, à partir de dans deux jours, bah c'est d'accord tout. Oui. Il a réussi à me perdre ce con. Oui, oui moi aussi. Pas grave, next. Jolan, t'as fait un truc d'intéressant toi, non? Je le sens. Non, pas vraiment. J'ai pas fait grand chose. T'as rien fait? J'attends des nouvelles de mes résultats. Je passe devant la commission des médecins bientôt, donc voilà. Un peu de stress. Oui, mais... si t'avais fait des piqûres, je me rappelle bien, jeudi dernier, t'en parlais. Ils avaient besoin d'une prise de sang. Ouais. J'ai fait une prise de sang. On va voir combien de tas de drogue. Ouais, c'est ça en gros. Ouais. Voilà, c'est la procédure hein, pour récupérer le permis. Hein. Enfin, les médecins l'ont fatigué quand on voit la tête. Hein. Oui. Non, mais... Là. En parlant de voir une tête, il y a une nouvelle tête avec Avenger. Ah ouais? Ouais, je sais pas où est-ce qu'elle est. Vous pouvez voir la Alors, caméra. Si vous voyez le live... Enfin, oui, bah, logique, vous le voyez. logique, dans le live vidéo... Si vous écoutez, bah, vous voyez pas, mais si... Si vous regardez le live vidéo, vous voyez notre invité spécial... Oui, qui s'appelle pas Daniel. Surprise spéciale, non? Voilà. Ouais. As-tu une petite présentation ou, qu'est-ce que tu as fait dans la semaine ou, Ben moi, j'ai pas préparé l'émission parce qu'on me l'a dit qu'hier. Alors, on m'a dit qu'il y a grève, le transport fonctionne pas. Toi, t'es pas en grève, t'as pas de problème de transport. Alors, tu viens. C'est pas faux. Moi, je vais vous parler de la journée jeux vidéo qui aura lieu le 19 janvier à Nazel. Et éventuellement, s'ils veulent bien, un petit peu de moi. Mais... Bah, ouais, vous ouais, trouvez ouais. que je suis égoïste, alors... Non, mais non. C'est fait pour, c'est fait pour. Comme quoi, quand il y a grève, bah, venez à Indestar. Indestar ne fait jamais grève. Moi, je vous ai pas dit, mais ce midi, j'ai quand même fait un truc assez intéressant. Ça paraît quand même anodin comme ça. J'ai mangé. Wow. Oh, il a réussi. Ouais. Ah, c'est ouf, ouais. Tiens, je peux mettre ça. T'es violent, mec, je te jure. En fait. Touche pas à mes boutons. Oh non, non, non. Mais je croyais que c'était steak, moi. On ne touche pas à mes boutons. Vous voulez le steak? C'est mon mien. Le steak, il est là. Steak. Voilà. Et ben, j'ai pas mangé un steak. Mais j'ai mangé déjà gratuitement parce que c'était offert par mon patron. Donc déjà un gros big up à mon patron. Il nous a offert le restaurant à tous les employés. Ouais. Et c'était un restaurant qui se situe à Amboise, en Indre-et-Loire, qui s'appelle Les Arpents. Ah, Les Arpents. C'est plus. À côté du château. C'est à côté, ouais, c'est pas loin du château, effectivement. C'est un restaurant gastronomique où que le menu est à 50-60 euros par personne. Quoi, on comprend qu'il n'a pas voulu le payer. En sachant qu'on est 11-12, ah oui. La facture était salée. Comment tu grattes? C'est offert par l'entreprise, je prends. Il y avait le petit apéro, tout. Du moment que tu peux gratter, j'ai envie de te dire. Ah bah ouais, totalement. Puis bon, bah, ça fait partie de mes devoirs en tant qu'employé de cette boulangerie. Si tu peux gratter, achète-toi une guitare. Et après je la lègue. Je lègue ma guitare à Obispo. Je savais pas que j'arriverais à la placer correctement celle-là un jour. De rien. Merci. Non mais il l'avait préparé, il te l'a pas dit. Ouais, c'est ça en fait. Il a préparé un truc pour chaque bruitage. Non, je rappelle que ces bruitages viennent du jeu Cochon de Guerre qu'on a présenté la semaine dernière. Ils sont géniaux. Ouais, pour la semaine prochaine, on aura peut-être du Kaamelott. Du Kaamelott. Ouais. Du Kaamelott, c'est magique. Du Kaamelott, pas de la Kaamelott. Attention, il y aura pas de Kaamelott ici. Ça peut pas être... ça va être que du culte et du mythique. Mais bon, pour en revenir à ce que j'ai mangé, parce que je vais vous détailler tout ce que j'ai mangé. Oula. Arrête, j'ai pas mangé. L'émission va pas suffire. J'ai la dalle, j'ai pas mangé, tu me donnes les fois. Ah bah justement, écoute. En entrée, j'ai mangé de la butternut. Alors râpée, il y en a en petits morceaux, il y en avait en compoté, avec du foie gras, des tranches de foie gras. C'était délicieux. Après, ils nous ont servi un petit truc en attendant le plat. C'était une coquille, enfin une noix de Saint-Jacques avec de la truffe et une petite purée, je sais pas quoi elle était, mais c'était vachement bonne. Ouais, de la truffe râpée. Tu m'étonnes qu'il en ait eu pour cher. Bah ouais. Ouais, mais ça c'était offert par la maison, c'était le petit encas entre l'entrée et le plat, tu vois. Petit cadeau. Une compensation. Offre, ouais, voilà. Je connaissais même pas, j'avais jamais vu de truffe râpée comme ça. C'était en bande, c'était noir et avec des striures blanches. Mmh. Faut pas la sniffer, hein. Faut la manger. En moralité, la truffe ne sort toujours en bande, pardon. C'est pas faux. Je valide. En plat, j'ai mangé du magret de canard, toujours du foie gras, magret, que canard, full canard. Faut boycotter le foie gras. Ouais. Pour par rapport au, alors, j'ai vu aussi un truc. Non mais il l'a mangé trop tard. Oui, mais c'est trop parce tard, que les canards ils sont gavés en c'est fait. C'est ça, ouais, pour et ça. Et du coup, c'est pas bien. Les oies aussi. Ouais, c'est comme pour les, bon, rien à voir, mais les KFC, genre, t'as vu comment ils sont traités les petits poulets. Là. Ouais, mais KFC, faudrait savoir déjà si c'est de la vraie viande ou pas. Oui, voilà. C'est ça la vraie question. KFC, ce sont les clients qui gavent. Oui. Aussi. C'est vrai, ils gavent les poulets, les clients. Parce qu'à vrai dire, KFC, comment que c'est fait, c'est comme les nuggets, laisse tomber. Mais c'est pareil, hein, c'est fait pareil. Okay. Mais après, c'est bon, hein. Ouais, voilà. Là, ça change pas, mais. Mais bon. On va. Bon. Revenons sur la truffe. Non, je suis passé au plat. Ah. J'ai mangé mon magret de canard avec des petits légumes, je sais même pas ce que c'est, mais je les ai mangés quand même. C'est bien, faut pas moi manger des légumes, waouh, c'était un exploit. Ouais, je t'assure, c'est pas gagné. Quand j'ai raconté ça à Maëva, elle m'a fait la gueule. Tu bouffes des légumes au resto? Ouais, c'est ça. Ouais, mais je lui ai dit, ça vient d'un gastro là. C'est... Non, mais si autant bouffer des légumes, pas chez Flunch. Ouais, j'ai mangé. Tu peux fluncher? J'ai mangé chez Flunch genre la semaine aussi. D'accord. Je vais vous raconter ça. Tu vas tout en resto, toi. Voilà, voilà. Le mec, il est. Puis en dessert, une tarte au citron revisitée, mais genre. Chez Flunch? Non. Tu vois, il y avait de la meringue dessus. Non plus. Bah, la tarte au citron revisitée, en fait, ils ont mis des espèces de boules de crème. Ah. Après, ils ont mis des brisures de sablé. Putain, mais en soi, elle a pas de chai de. De meringue. Tu parles de boules, on l'a perdu. Enfin, la précision était utile. Boules de crème, hein. Oui, bah. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Tu t'aurais pu dire sphère. Ouais. Ouais, t'as dû dire sphère. Des quenelles de forme sphérique. Waouh. Wow. Tu vois. Bah, c'est la même chose que des boules au final. On va arrêter, on va pas parler de boules ce soir. Ouais. On va parler de plein de choses d'ailleurs. De boules de glace? Non. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse ramener de la glace. Mais en été. Ouais. Pourquoi pas, on a bien fait une raclette, pourquoi pas manger des glaces. Ouais, c'est une bûche de Noël. On mange des pizzas, on mange des raclettes, pourquoi pas des glaces. On a des promotions sur les bûches de Noël ou pas, si on va aller à la table boulanger. Alors, il se trouve que j'en aurais effectivement une gratuite. Ah. Une 8 personnes. Oh, donc, à savoir ce que j'en fais, parce que je vais sans doute pas fêter Noël chez moi. Ah, t'as pas de l'acquérir dans le... Tu la ramènes pour le 19. Eh, ouais. Ça serait pas mal si, hein, si je peux faire ça, ouais. On dit qu'on ouais fait comme ça. Je vais voir avec ma boulangerie. Chocolat, s'il te plaît. Non, mais y'a pas à voir, c'est on va négocier. Décidé, voilà, y'a pas à voir. Tu peux d'accord venir le 19. Oui. Vous pouvez venir aussi le 21. Ah. Vous et votre famille. Je parle. Enfin, vous. Enfin, moi, oui, toi. Oui. Toi oui, et ta ouais famille. Ah. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. On n'est pas trop nombreux, t'as du pot. Et vous pouvez venir le 21, il y a les 10 ans de la radio. Oui, j'ai appris ça, il y avait les 10 ans de la radio de fêter le 21. Oui, ta fille derrière. On va faire une grosse émission de 10h, de 14h à minuit. Et du coup, on aura plein de gens en fait pour participer au jeu et puis pour faire l'émission. Donc, plus on est fou, plus on rit. Oui. Ouais. Donc, j'invite tous les gens à venir. C'est pas comme en Chine, hein. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Je sens qu'on va bien se marrer. Celle-là, je l'avais jamais entendue. Je sens qu'on va bien se marrer. Je sens qu'on va bien se marrer. D'ailleurs, c'est toi qui ouvre le bal, Jolan, ce soir. Oui. Tu vas nous parler d'une série, non? Ouais. Non, mais pas le bal masqué. Ah, je déteste cette musique. Ça me steak. Ouais, voilà, steak. Elle danse, elle danse. Ouais, tu sais ce que je déteste? Ta blague de meuble. Hein, elle est trop bien, ma blague non de meuble. Faut vous l'expliquer ça. En gros, quand il y a un blanc ou quand on sait pas quoi dire, et ben du coup je dis meuble, Ikea, armoire, meuble, ouais, comme ça commence. Voilà. D'ailleurs, le producteur derrière il t'attend avec le ceinturon. Hein. Théo il déteste aussi ça. Mais bon, moi j'adore. Ça passe partout. Moi j'adore quand tu la fais pas. Bah il essaye de meubler les trous, on va pas le pencher. Hein. Ikea ils font quoi? Des meubles? Alors ils meublent. Ouais. Je pensais à un truc, mais j'ai pas à le dire. Ouais. Ok, ok. On va rien dire. On va écouter une musique. On va écouter Romain Helvétius. Written in the sand. Oh. Written. En plus, on a. Written in the sand. Mon anglais est parfait. On a 10 secondes. Ouais, mon anglais est pas mal. T'as 10 secondes. Ça, t'es pas obligé de le dire, hein. Les auditeurs, ils savent pas. Mais t'as 10 secondes. 3. Bon. 2. On écoute Romain Helvétius. De 21h à 23h le jeudi sur Indestar, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Exactement, les PK Avengers. Genre j'étais pas prêt. Tu fais foirer mon intro, quoi. Je recommence. Tu sors. En même temps, l'écho était génial. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'étais à fond. Pop culture. C'est bon, je peux lancer mon émission. Ça va te faire un bouton de plus là. Pop culture. Mais c'est bien, il se déchaîne là. Pour une fois, il parle. Vous entendez un nouveau, c'est Antoine. Vous avez pas l'habitude de l'entendre. Bonsoir, je suis nouveau. Je suis là depuis 4 semaines, mais je suis nouveau. Dans les PK Avengers. Le jeudi de 21h à 23h, nous avons Antoine de temps en temps. De temps en temps. Non, nous l'avons 10 minutes généralement dans l'émission et après il dort. Mais là on l'entend, c'est bien. Mais c'est pas toi qu'on va entendre pour le moment, c'est Jolan. Ouais. Ah, c'est salaud. Culture. Jolan, c'est toi qui vas parler. Oui. Steak. Si je parle dans mon micro, c'est mieux. Hein? Tu vas nous présenter une série. Ouais. Ça faisait un petit moment. Ouais, mais j'avais envie d'en parler de celle-ci parce qu'elle m'a beaucoup marqué, parce que je l'ai beaucoup aimée. Ouais, c'est une bonne série. Une bonne série, ouais, que je recommande d'ailleurs à tout le monde, si vous l'avez pas vue. D'accord. Peaky Blinders. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, oui. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Oui. Le mot. Et toi, Antoine, au lieu de piquer mon stylo et de dessiner. Eh oui, il attention. Mais on a parlé pas de télé. Steak. Oh, le blanc. Oui. Voilà, là, non, tu utilises ma célèbre phrase pour meubler. Non, on attend qu'il cause aussi. Bah ouais, non, mais je sais pas. Antoine. Antoine, chais. Coupe lui son micro. D'accord. C'est le numéro 3. Non, c'est plus simple. Vas-y, parle. 1, 2. Ouais, Antoine, on l'entend plus. Je suis revenu. Merde. Bon, Peaky Blinders, alors c'est une série télévisée britannique. Voilà. Donc, ouais. Ça a été réalisé par Stephen Knight. Je sais pas si vous connaissez. Un britannique. Oui, ouais. Je suis trompé en off, j'ai dit Stephen King. La honte. Ah, c'est pas pareil. Elle est diffusée depuis le 12 septembre 2013 sur la BBC, donc une chaîne anglaise. En France, elle est diffusée depuis le 12 mars 2015. Voilà. Et elle est disponible sur Netflix. C'est une série qui comporte 5 saisons. Ah, ils viennent de la mettre, grosso modo. Hein, non, non, non, ils viennent pas de la mettre. C'est assez. C'est récent, mais pas trop. D'accord. Voilà. Dans l'année, quoi. Voilà, c'est ça. Et, du coup, une série de 5 saisons. Je vais vous raconter un peu le synopsis de la série. Ouais. Basée sur l'histoire du gang des Peaky Blinders actif au 19e siècle. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, voilà. Ça se passe au 19e siècle. Siècle, oui, là, bravo. Oui, enfin... Seconde Guerre. Attends, je me suis peut-être mal expliqué. C'est 20e siècle. C'est qu'il ne faut pas confondre les années 1900, c'est 20e. Il faut toujours faire plus. J'avais un doute, j'ai mis 19e, mais j'avais un doute. Du coup, ça se passe à Birmingham, au Royaume-Uni. Où ça ? Birmingham. Je sais pas si j'ai bien l'impression. J'avais envie de dire Buckingham. Ça se passe au Royaume-Uni. C'est une effective ou c'est une vraie ville ? C'est une vraie ville. Et pas confondre avec une vraie ville dans l'état de l'Alabama aux États-Unis. Oh. Exact, exact. C'était fort. Monsieur regarde le catch ou... Non, c'est parce que. Non, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait un show de catch à Birmingham. Ouais, je connais bien l'état de l'Alabama parce que c'est là où vit Forrest Gump. Ah oui. Une petite dédicace à Paul s'il nous regarde. Je sais qu'il est fan du film. D'accord. Et du coup, cette série, en fait, c'est l'histoire d'un gang, je vais y arriver, qui se nomme Peaky Blinders, qui est craint par la population. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ils vivent en gros du racket. Ah, déjà pour commencer, du racket, la contrebande d'alcool, des paris illégaux, donc des courses de chevaux qui sont énormément réputées à cette époque-là. Oui, pour le coup, oui, il n'y a pas grand chose d'autre. Voilà. Mais bon, dans la série, il se passe qu'à un moment, ils vont cambrioler des armes automatiques qui sont délivrées pour l'armée anglaise. Et, ils vont voler des armes. Des armes ont été volées, par des gens. Et du coup, ceux qui sont soupçonnés en premier, c'est les Peaky Blinders, forcément. Ils sont méchants. Voilà, en même temps, ils sont méchants. Du coup, ils envoient un officier de la garde royale, Clambell, il s'appelle. Ouais. Voilà. Clambell Oui, comme le whisky. Ouais. Connaisseur, ça. Chester Clambell, pour le plus exactement, officier de la police royale irlandaise. Voilà, et je pensais à toi, Gaëlan, parce que ton nom est d'origine irlandaise. Ah non, oui. Dans cette série, ils ont une dent contre les Irlandais, ils les aiment pas du tout. D'accord. Bah, les Anglais, voilà. Oui, ils avaient toujours une petite histoire, une petite dent. Ouais, c'est une prétendue. Une petite dent dans la souris. Ouais. Du coup, cet officier en question, il a des méthodes assez particulières pour foutre la zizanie dans le gang et dans la ville en général. Quel genre de méthode ? Envoyer des hommes de main leur casser la gueule et puis ne pas faire de rapport de police derrière, par exemple, ou ce genre de truc. Quoi. Mais c'est qu'il est fun celui-là. Mais elle est vraiment super cette série. Mais je vais vous faire écouter d'ailleurs le générique. T'as un bout du générique ? J'ai un bout du générique, elle est vraiment excellente. Attendez, hop, j'ai le mettre de suite. Il est un peu loin à se lancer. Voilà. Pour le mettre en bed. Ouais. Bah, je l'ai mis en répétition. Bah, donc voilà. Nickel. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de la série. Mais c'est un truc vraiment à regarder. C'est sympa, ça fait pas glauque la musique. Hein ? C'est sympa, ça fait pas glauque. Et puis t'as pas l'impression que ce sont des bandits hein, quand même, ouais, en entendre de la musique. Oui, en entendre de la musique, c'est plutôt posé. Comme, ça fait plutôt comme... bisounours. Hein. Oui, mais quand tu vois la série, non, c'est pas bisounours. Non. Parce qu'il crée un contraste un peu. Ouais, voilà. C'est... tout calme mais pas vrai. Et Thomas Shelby alias Cillian Murphy, un acteur génial on peut retrouver dans... Je te regarde pour te montrer un signe, tu dois le connaître. Ah oui, on le retrouve dans Broken, le film Broken, je sais pas si tu connais. Je l'ai pas vu non plus, mais il a eu un festival, il a eu des honneurs pour le festival de Cannes en 2012. Okay. Donc il a un palmarès assez impressionnant cet acteur. Donc, je connais surtout pour 28 jours plus tard. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Film de zombies. Ouais, je connaissais pas, tu vois. En train de le connaître alors. Et ouais, parce qu'en fait, Walking Dead se copie vachement là-dessus. Ah ouais, ils ont des référencements sur ouais. Mais je l'ai pas regardé entièrement, je l'ai juste commencé. 28 jours plus tard, ouais, je note. Après, t'as 28. C'est vrai qu'il est sur Netflix en plus. On le regardera dans 28 jours. Mais il est toujours au premier jour, Antoine. Hein. Mais si vous aimez les séries où il y a de l'action, ça parle de trafic, de gang. C'est un truc à pas louper. Moi, j'ai vraiment kiffé, je me suis pas ennuyé. Et pourtant, 5 saisons, c'est long. Mais faut le rappeler, 5 saisons, c'est vraiment très long. La durée des épisodes, tu l'as 39 minutes. Beaucoup moins long que par exemple, je reprends ça. Voilà, 40 à 80 minutes. 40 l'épisode. À 80 minutes, là c'est beaucoup moins long. C'est pas variable du tout, c'est très raisonnable. J'ai terminé la saison de Sons of Anarchy. Et surtout, la dernière saison, c'est plus des épisodes d'une heure. Ouais, mais c'est long. Hein. Ouais. Ouais, ça fait plus un film, ouais, un petit film. Ouais, franchement, je trouve que ça faisait long. Mais là c'est raisonnable. Perso, je me suis jamais ennuyé. Parce qu'il y a des séries où, au moment, par exemple, dans Walking Dead, où j'ai décroché parce que c'était un peu gnangnan. Mm-hmm. Et là, non, ça va. Il y a de l'action même, tout le temps. Ils font durer l'intrigue. Oui, voilà. trop. Mais on voit tout de suite. Ils font tellement durer l'intrigue que. Tu sais, t'as le truc, le petit trait sur Netflix, t'as le compte à rebours qui se lance. Tu sais, genre 3, ouais. 2, 1, et t'as la série suivante qui se lance. Et tu te dis, genre, bon, allez, une petite dernière, après je vais me coucher. Mais il y a tellement d'intrigues, comme disait Gaëlan, que t'as envie de savoir la suite. Du coup, tu laisses l'épisode se lancer, et puis. D'accord. T'es tellement emporté dans l'ambiance que. Moi franchement, c'est. Tu regardes, voilà. C'est une série qui m'a vraiment marqué. Moi, j'ai remarqué un truc. Oui. Dans ce que tu nous présentes, on voit beaucoup que t'aimes bien les trucs de gangsters. Ah oui, ah, j'adore ça. D'enquête un peu policière. T'as un peu les mêmes goûts qu'Antoine au final. Enfin, un peu différent, mais. Différent, il y a des similitudes quand même. J'aime bien les policiers, ouais. Mais ouais. Genre pas les trucs un peu trash de meurtre, oui, voilà, de ce genre de trucs. Mais j'aime bien, ouais, les policiers où ça parle de gang et tout. J'ai plein de trucs à vous recommander d'ailleurs. Et je précise que Jolan est célibataire. Je pourrais t'en conseiller une. Ah, je veux bien je aussi parce que je suis à court de série là pour le coup. Ah, tu dois sûrement connaître True Detective. Comment? True Detective. Et je n'ai entendu parler de nom. Ouais. Ok. Ouais. Bah, la première saison, je te la conseille, je suis retombé dedans. Et True Detective, ok, je note. On a eu un extrait en montage et. Juste le générique, moi ça m'a. J'ai voulu recommencer, ouais. Ah ouais? Donc je recommence, ouais. Donc Matthew McConaughey et Woody Harrelson. D'accord. Il y a combien de saisons là? Trois, mais alors c'est une série anthologique, c'est-à-dire qu'une saison, une histoire. Ah oui, ok. D'accord. Voilà. Ouais. Il faut suivre quoi en fait, faut pas. Ouais. Ok, c'est noté. Voilà, bon, j'ai fait le tour de la série, j'avais pas grand chose à dire dessus. Oh, c'est pas mais très bon. De toute la manière, je parie que t'es pressé d'écouter la musique qui va suivre. Ouais, aussi. Enfin, on va écouter du Anafri. Merci Théo. Hein, évidemment. Fait, évidemment, on pouvait pas. Et tous les jeudis soir, on se mange du Anafri. Ou des fois, c'est l'inverse aussi. Ou c'est l'inverse. Moi, celle qui nous mange. Moi, là, j'ai faim, mais j'ai pas envie d'en manger. Ouais, en fait, il la met souvent parce qu'il y a un nouveau son qui est sorti. Voilà. Merci Teddy. Ouais, parce qu'on a le temps. Hein. Ouais. C'est sympa. Bah, ça fait un peu ouais, mais c'est sympa. Mais en plus, tu sais qu'ils payent en fait pour avoir les nouveaux sons oui. d'Anne Afrique. Ouais, ça, j'ai lu. Théo, il paye en fait comme ça, il reçoit tous les nouveaux sons qu'elle sort. C'est dingue. Ouais, c'est cool. Du coup, il peut les mettre en. Du coup, c'est cool, on les a en avant-première. Voilà. Donc, allez-y, profitez. Tu vois, c'est pas un nouveau. Mais bon, ça serait cool quand même. Alors, t'as pas payé si c'est pas un nouveau. Si, mais il y a longtemps. Ah, bah. Chaque jeudi, jusqu'à 23h, PK Avengers sur Indestar. Oui, le jeudi, 21h-23h, c'est les PK Avengers. Vous pouvez nous voir en live sur le Twitch de l'émission. Nous sommes là, coucou. Où est la caméra? On la cherche. Voilà. Sinon, vous pouvez toujours nous écouter en direct sur indestar.fr. Ou alors, si vous ne pouvez pas nous regarder, vous avez toujours les podcasts qui sont disponibles sur une vingtaine de sites de podcasts. J'en connais Spotify, il y a qui d'autre, je ne sais plus. En théorie, vous nous trouverez forcément. Ouais. 20, c'est suffisant. Les podcasts, pas les podcasts. Hein. Des fois, j'ai entendu... Les podcasts, c'était un dessin animé dans ma jeunesse. Il y a un dessin animé qui s'appelait Podcast ou Podcast. Ah ouais? Ouais. Podcast. Mais je crois pas que ça avait un rapport. Mais bon, peu importe. Ça fait partie de la pop culture. Ça ressemblait un peu à. Enfin, je le regardais là, en même temps que Code Yoko. Ah! Ça passait plus ou moins en même temps. D'accord. Bon, ah bah, mais Code Yoko, tout le monde connaît ça. Bah oui, forcément. Oui. Dessin animé mythique. Mais le podcast, hein, c'est. C'est autre chose. Antoine, oui. C'est ton moment. On va t'entendre encore plus que d'habitude. Ouais. Ah ouais. Ouais. Bah tant que tu me lis pas ce que t'as écrit sous ta phrase, parce que franchement. Non, il l'épelle, c'est tout. Voilà. Ouais, non, même pas. Non. Sinon. B comme B. Sinon, je te dis ça. Crève, vache folle. Ah non, non. Je le dis. Je pète la vitrine. Voilà. Je peux faire celui-là en tout cas. Non plus. Z. Non. O. Tu me lis le. C'est quoi le titre? Enfin, c'est quoi ce que tu vas nous présenter? Shérif, fais-moi peur. Chéri ou shérif? Un shérif. Shérif. C'est comme un shérif, comme un pampan. Parce que chéri aussi peut me faire peur. Hein. Comme un pampan. Oui, c'est pas chéri qui font. Un shérif, je le crains pas trop. Hein. C'est pas chéri, j'ai rattrapé les gosses. C'est shérif, j'ai rétréci les gosses. Film mythique aussi. Ouais. Et c'est shérif cette fois-ci. Ouais. Shérif, j'ai rétréci les gosses. Ouais, ça passe, on peut inverser les trucs comme ça. Shérif, fais-moi peur. J'ai déjà entendu ça quelque part. Le québécois? Québécois. Shérif, j'ai rétréci les gosses. Attends, québécois, qu'est-ce que ça pourrait donner? Non, les gosses. Non, mais imagine les gosses en québécois, ce que c'est. Ah, moi, j'ai pas compris la blague. Là, faut traduire là. Oui, il faut traduire. Pas. Oui. Ouais. Non, mais je dirais pas. C'est bien. D'accord. Parce que oui, là, les gosses, oui, je sais ce que c'est. Ouais. c'est les testicules. Alors, okay, putain, mais... t'as une culture de dingue sur les boules, mais sur le reste, ouais. T'es totalement à côté de la plaque sur le reste, et sans déconner. C'est quoi ce délire? Oui, les Québécois, ils appellent leurs testicules les gosses. Des gosses. Ils disent des gosses. Ouais, des gosses. En fait, c'est pas tout à fait faux, hein, les gosses, ils viennent c'est d'où? C'est pas totalement faux, effectivement. C'est spécial, c'est spécial. Et du coup, c'est pas de ça que tu vas nous parler? C'est pas de ces gosses-là? Non, pour... Non, les autres. Non, même pas. Tu vas nous parler de Shérif et moi peur. Voilà. Ah, c'est un film avec un shérif. Voilà. Pas vraiment. Même pas? Si, ah bon, si, mais il fait pas peur, en fait. Si, ah. Mais franchement... Le chaque... but, c'est qu'il fasse peur, en fait. Voilà, fin. Non, non bah, vas-y. Donc, ouais, donc c'est un film qui sortait en 2005. Ouais. Donc, quand même assez vieux, hein. Non. Ça va, hein. Ça... Ouais, 2005, ça. Il est millénial encore. Ouais, faut pas exagérer, hein. J'avais 9 ans, hein. S'il te plaît. Hein. Ouais, mais t'es presque un millénial, donc. Mais bon. Ouais. Et donc, la durée, c'est 1h40. Hein. Ouais. Ça va. Ça va. Donc, c'est avec Johnny Knoxville, qui interprète Luke Duke. Donc, Johnny Knoxville qui a fait Jackass. Ah. Le grand, là, dans Jackass. D'accord. Celui qui se fait bouffer le cul par une tortue, non? C'est pas lui? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est j'ai pas vu Jackass, mais c'est le présentateur. C'est lui qui s'est fait bouffer le cul par le chien. Ah. Jackass, et il faut avoir les chromas. Tiens, toi qui aimes les trucs gore, hein, franchement, faut que tu regardes. Ah ouais. Je savais pas que. Enfin, j'ai jamais. Il y a pas vraiment des trucs gore, mais c'était extrême. Genre à un moment, il y a un truc qui m'avait fait marrer. Genre, tu vois, il y a des. Pardon, on s'égare, mais. Tu vois, ils sont au niveau d'un lac, t'as une ficelle, et ils traversent la ficelle. Ils ont un bout de steak au niveau du calbar. Ils traversent la ficelle à l'envers, tu sais. Tu vois. Et t'as des alligators en bas. Qui essaie de bouffer le steak. Ouais, et c'est une tortue en fait qui sort. Non, c'est pas une tortue. Ça n'a rien à voir avec la tortue, mais c'est des barjots, les mecs, hein, complètement. Voilà. Par exemple, Steve-O, lui, il va prendre une cabine de toilette de chantier, remplir ça de merde et de vomi, il va se faire éjecter avec. Ah ouais, je l'ai vu mais celui-là. C'est de la merde de chien. Oui, oh, non, mais il y avait un poteau. Voilà. C'est je l'ai vu tarif. Celui-là. Pour te donner l'idée. Un peu. Et le pire, c'est que le caméraman, il vomit après. Pour tellement c'est trash. Tout le temps. C'est très trash en effet. Moi, quand ça, c'est que je crois que j'ai regardé ça. Une fois, j'ai eu la bonne idée de manger devant Jackass, ça m'a coupé l'appétit direct. T'as un moment aussi, bon. T'as une maquette de train, genre toi. C'était son régime en fait. T'as ouais, c'est ça. C'est un train qui passe, ouais. T'as un bonhomme qui est sur une colline, d'un coup sur la colline, tu vois la colline qui bouge, en fait, c'est le cul du mec en train de chier et tout. En déjection de merde. Ouais, c'est n'importe quoi. Voilà. Enfin là, on est voilà, plus. Voilà, ouais. On est plus du tout dans Shérif là. Ouais, non, là, on est pas dans Pick Avenger. On est dans Scat Avenger. Bon appétit, bien sûr. Ouais. C'est toi qui dis ça. Bien, ouais. Bon, nous allez. Sommes avec Jackass, fais-moi peur. Johnny, fais-moi peur, oui. Et il y a aussi Sense William Scott, qui interprète Beau Duke. Et il a joué. Stifler. Stifler, voilà, dans American Pie. En fait, j'ai le gogol. À chaque fois qu'on parle d'un acteur, le nom, genre, ça me parle pas. Ouais. Je regarde Gaylan, il va tout de suite me dire quelque chose que je connais en fait. C'est pour l'aider. Et aussi, tu peux le voir aux côtés de David Duchovny et Julianne Moore dans Evolution, qui est un très bon film. Dragon Ball Evolution. Non, juste Evolution. On ne parle pas. C'est tabou, effectivement. Pas Dragon Ball Evolution. J'imagine que pour toi, c'est tabou. Ouais. Et il y a aussi Jessica Simpson qui joue Daisy Duke, c'est une chanteuse. La sœur d'Homère. Non, je rigole. Je m'attendais en plus à quelque chose comme ça. Au départ, quand j'étais petit, j'ai dit Jessica Simpson. Je fais, c'est un personnage des Simpsons. Je fais, ah non, c'est pas les Simpsons du tout. Elle est pas très jaune. Non. Ah, aucun lien. Elle est pas très jaune. J'espère bah, je sais, après, elle est blonde. J'espère qu'elle a aucun lien avec OG Simpson. C'est tout. J'espère enfin, aussi. Ouais. Antoine, tu nous fais un beau blanc là. Va falloir que je sorte mon meuble Ikea. Non, on donc, attendait quelque chose après OG Simpson, oui, mais bon, ouais, on si, l'a mais... pas eu. Hein. Ça parle de quoi le film? Donc, c'est qui le shérif? C'est un shérif qui fait peur. Le shérif, c'est Roscoe. Roscoe? Son nom c'est Roscoe. Il est un nom à la con, lui. Ouais. Roscoe. Ouais. Mais c'est lui l'acteur. C'est America. Non, c'est pas un personnage principal. Ça. C'est pas un personnage mexicain, Roscoe. Ouais, secondaire, mais il a des rôles assez drôles, franchement. D'accord. D'ailleurs, c'est qui le perso principal? Tout le film est super. Ah bon. Ouais, génial. Ah, je me suis tapé des barres tout le long. D'accord. Donc, les personnages principaux. Bah, les personnages principaux, toi, c'est Luke et Beau Duke, c'est des cousins. Ouais. Mais ils sont aussi proches que deux frères. Ouais, ça arrive. Et dans le générique, d'ailleurs, quand ça commence, t'as un narrateur, il fait. Il ouais, deux cousins si proches que deux frères, mais aussi excités que deux chats dans un trou d'eau. Ok. Waouh. Tu vois les personnages, ils sont super excités en fait. Ouais. Je suis d'accord, mais c'est une comparaison bizarre. Oui. Un chat, mets-le dans l'eau, tu verras comment il est excité. Il y a des chats qui aiment bien. Il y a des chats qui aiment bien. Mais ouais, c'est pas tous les chats. Ouais. C'est loin d'être tous les chats. Faut pas caricaturer les chats comme ça, c'est raciste. Les chats aiment bien. Pardon, pardon, j'ai fait un amalgame. C'est ça, un amalgame. Donc, c'est ça parce qu'il est noir. Non, il fallait que je la place là. Donc ces deux cousins, ils vendent des trucs de contrebande, ils vendent de l'alcool de contrebande. Ouais, c'est normal, tous les cousins font ça. Ah, c'est eux qui sont en plein milieu de nulle part. Ah bah d'accord, ouais. Ici, c'est où, nulle part? C'est, si je me trompe pas, je crois que la ville c'est Hazard. Hazard, voilà, non c'est le comté de Hazard. Ouais, le comté de Hazard. Voilà. La ville, on s'en fout. Voilà, petite référence à One Piece. Ouais, j'avoue. Ouais. Bien placé. Donc un jour, tac, ils font leur truc. Mm-hmm. Sauf qu'ils arrivent à se planter. On veut des précisions sur le truc. Ils font de la mette. Ils font ils font une livraison de contrebande, voilà. Ils vendent de la drogue, quoi. Voilà. Tu peux le dire, hein. Ah, c'est pas la drogue, c'est de l'alcool. C'est de l'alcool qu'ils font, hein. C'est de la gnôle. C'est le grand-père qui fait la gnôle. Non, c'est l'oncle. L'oncle, ah oui, c'est l'oncle de Jess. Jess, voilà. Il a vu le film, il se rappelle du nom. Ah bah, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai conservé tout à l'heure. Petite question, c'est quoi l'agneau? C'est bien de réviser avant de venir. Je sais que c'est de l'alcool, mais c'est quoi exactement? C'est du vin? Non, c'est plus d'eau de vie. C'est de l'eau de vie? C'est comme ça qu'on appelle l'eau de vie en fait, c'est de l'agneau. Ok. Mais l'agneau, c'est le petit de la vache. Le steak aussi, c'est le petit de la vache. Non, non, c'est la vache direct. Ah, trop bien. Attends, ouais. Ça mérite des applaudissements quand même. Guylaine le meilleur. Non. C'est. Tu fais des bonnes. Parfois j'ai honte. Non, tu peux pas. Antoine. Donc voilà, ils font une livraison de contrebande. Ouais. Et ils se font poursuivre par un mec parce que en fait Luc il couche avec la fille d'un mec. Bah ouais. Jusqu'à là c'est normal. Ouais, mais sauf que le père il aime pas ça. Toutes les filles ont des pères, enfin oui. Le père pourquoi il est là quand ils couchent ensemble? Non mais en fait il arrive au même moment, il revient de la chasse au même moment. Ah il l'a surpris et il voulait. D'accord. Pendant que Luc est à la chasse, le père aussi est à la chasse. Donc Luc. Ah mais Luc il tire le thon. Oh. Non ça c'est à la pêche le thon. Oh mais tu peux le tirer à coup de fusil aussi en Amérique, tout est possible. Bon. Donc, vas-y, continue, t'as interrompu. Enfin, donc, Luc, bah, toi, il couche avec la fille. Ouais. Sauf que bah, t'as le frère qui est à côté, qui arrive, qui tire sur le mec. Oh putain. Sur Luc. Mais tout le monde tire. Bah ouais. Il a voulu tirer son coup, lui aussi. Bah ouais. Ça s'appelle de l'inceste. Donc, t'es violent, mec, je te jure. Donc, ça part en course poursuite, et puis. Ouais. Bah, ils avaient à semer les deux gars qui étaient en train de les poursuivre. Ouais. Sauf qu'ils perdent le contrôle du véhicule. Donc, le général Lee, mm-hmm. C'est leur véhicule, c'est une Dodge de 69. Voilà. Toi, tu t'es même intéressé à la bagnole, quoi. Mmh. Ah, bah, moi, évidemment. Je pense que. Tu vas pas nous raconter tout le film comme ça, quand même. Non. Cécile est parti. Alors. Ouais, c'est un synopsis qu'on veut, hein. Et sans la fin. Est-ce que je peux faire juste. Est-ce qu'on peut écouter le klaxon du véhicule? Ouais, le klaxon. Ah, ouais, pourquoi il est spécial? Ah, il est mythique. Ah oui, effectivement, je te confirme. Mais ça, j'adore. Est-ce qu'il vient de ce film-là ou est-ce qu'il vient d'un film Non, il vient de ce film-là. Antécédent. C'est sûr. Vient de ce non, film-là. Mais en fait, c'est tiré d'une série. Ouais, la série Sheriff fait-moi peur. Sheriff fait-moi peur. De la fin des années 70. Et là, il n'y avait pas Jimmy Knoxville d'accord. Et puis non, tous les autres. C'était bien ce son vient bien de ça. Ouais, ouais il vient d'accord. Bien de ça. Donc en fait, il y a une série aussi, Sheriff fait-moi peur. C'est plus. À la fin des années 70, Théo doit connaître. D'accord. Ouais, c'est bah, c'est oui. Son année. Hein. Tu aurais dit la fin des années 20, il connaissait aussi. La porte est grande ouverte, hein, t'es dans la merde. Il était copain avec Piaf. Avec Piaf. Ouais, c'était sa meilleure amie. Hein. Je crois qu'ils ont même vécu des trucs solo. Ensemble. C'est possible. C'était lui le boxeur avec qui elle est sortie. À l'époque, il était boxeur. Non, bon. C'était au Piaf. C'est bizarre dit comme ça. Continue à présenter. Mais fais-nous un synopsis plutôt. Hein. Va pas nous raconter détail par détail. Genre là, il a picolé un verre, là, il a été au chiottes. Donc bah. Il a tiré la chasse. Bon, je vais un peu plus loin parce que sinon, après, on n'est pas rendu. Hein. D'accord. De toute façon, on y va pas. En gros, là, le but du film, c'est il fuit en fait. Donc, ouais, pour l'instant, il cherche à fuir. Donc, bah, après, toi, il rentre chez eux. Ouais. Et il y a un rallye qui est dans le comté, qui est prévu le week-end qui arrive. Donc, d'accord. Toi, le week-end qui est... Ils vont y participer du coup. Ils doivent participer, sauf que bah avant. Pourquoi ils doivent? Parce qu'ils sont tous les deux, ils font tous les deux le rallye. Ouais, mais c'est pas ils doivent, c'est ils ont envie. Oui, bah, si tu veux, ils ont envie. Pour moi, ils doivent, ouais, c'est ouais, qu'ils allez, sont si obligés. Si, si, si, si, mais en fait, ils sont un petit peu obligés par le film. Ils doivent participer au rallye. Ah. Sinon, sinon, justement, il a raison, Antoine, ils doivent participer. Ouais. Ah. Ouais. Et okay. Si quelqu'un dit le contraire, c'est qu'il a pas vu le contraire. Si tu veux, Beau Duke, ça faisait 4 fois d'affilée qu'il gagne le rallye. Mm-hmm. Et là, il voulait gagner la 5ème fois d'affilée. D'accord. Parce qu'il y en a un autre qui est de compter aussi. C'est un coureur aussi. Pardon. Non, c'est. Si, il vient de la compter. Mais c'est pas un compter. C'est pas un compter. Attends, cherche le mot. Ouais, c'est plus dans la cherche, tête. Cherche son prénom, je crois que c'est Bill. C'est Bilbon. Eh oui. C'est... Putain, oh, purée. Je crois que c'est... Tu si t'aimes mon... pas là. Si je m'en souviens, je crois que c'est Billy. C'est pas très grave son nom. Ouais. Et du coup, ouais, ils veulent battre. Bah, ils veulent qu'il concourasse parce que lui aussi, ça fait 4 fois qu'il avait gagné l'affilée. D'accord. Il était attendu dans son comté pour gagner une 5ème fois. Ouais. Du coup, ils vont faire cette course, il va gagner. Non, c'est la course à la fin. Il faut pas dévoiler la fin. Ouais, je dévoile pas la fin. Ah. D'accord. Même si ça fait une qu'il date de 2005. Et ben, il meurt. Et fin. Voilà. De toute façon, tout le monde meurt à la fin. D'accord. C'est vrai? Mais non, j'en sais rien. Mais à la fin de tu l'as vu? Non. Non. Non. Je connais la série. D'accord. Mais moi, j'ai vu la série, le film, tralalère. Moi, j'ai vu le film. Et quand j'étais petit, elle avait. C'est quoi que t'as préféré, la série ou le film? Les deux sont bons. Les deux sont bons. Faut les voir de deux façons différentes, mais les deux sont bons, sont bien faits et respectent vraiment l'esprit de la création de la série. Ouais. Le film, même si c'est autre chose, il y a d'autres acteurs avec une autre histoire. Mm-hmm. Le film respecte vraiment l'esprit de la série. Et faut pas le voir en se disant on verra la série, mais en voyant un film. Et là, on voit un très bon film. En effet, Antoine a raison d'en parler. C'est vraiment un film excellent. D'accord. Mais j'allais, ce qu'il est passé une fois à la télé. Ah ouais? Quand j'étais petit. C'est juste comme ça? Ouais, parce que quand j'étais petit, il passait à la télé. Mais tu l'as regardé du coup? Et après, il est repassé récemment à la télé. Et sauf qu'ils ont pas le problème avec tout ce qui est norme. Tu sais, pour les gros mots, la télé, tu sais. Genre, toi, t'as plus le droit de dire ça. Ouais, là. Le CSA, je crois, c'est ouais, bon ça. Ouais. À cause du CSA, bah, ils ont changé toutes les voix. Oh, putain. Ils ont changé les voix, ils ont changé les dialogues. Et franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse. Je l'ai en DVD si tu veux. Ouais, je veux bien. Original. Parce qu'en streaming, c'est chiant. La qualité n'est pas là. Bah voilà, on se prête des films, en fait, qu'Avengers. On se prête des jeux. On aussi. Les pique ouais. Pas, on les prête. Hein. Ah bah oui, évidemment. Mais moi, vous savez, je les ai sur une clé, hein, si vous voulez. De toute manière, des films, il suffit de demander à Gil. Oui, il n'y a pas de souci. Il est obligé de les regarder de toute façon. Il est plus moderne que moi, il les a sur une clé. Moi, j'ai le DVD, moi c'est vieux. Bon, ouais, mais c'est différent. Ouais, c'est bien. C'est parce que Galen, ouais. Ça fait partie de ses. Enfin, son boulot. Oui, j'ai la jaquette aussi, comme ça fait joli. Que la jaquette sur la clé. Moi je collectionne les DVD Avengers comme ça. Ah. J'ai, à chaque fois, il faut que j'achète le Blu-ray ou le DVD. Ouais, je croyais que tu collectionnais les jaquettes de clés USB, mais non. Moi, ma seule clé USB, il y a une grosse tortue dessus. Je la montrerai un jour à la caméra, peut-être, si j'ai pas honte. J'ai jamais honte. D'accord. Bah, c'est cool. Et du coup, t'aimes bien ? Si t'as une petite note à donner, c'est combien sur 10 ? Bah, franchement, c'est 10 sur 10. Franchement, 10 sur 10 ? Ah ouais, à ce moment-là ? Ah, franchement, tu tapes des. Pourtant, y a pas de zombies ? Non, mais tu tapes. Moi, tant que c'est. Y'a pas de cul ? Non. Tu le devines, en fait. Tu le vois pas. Parce que généralement, quand il n'y a pas de cul, Antoine... Moi, j'enlève 3 points. C'est pas ce qui me semblait. Hein. Non, il aurait dit 13, toi, sur 10. Non, franchement, non, c'est un bon film. D'accord. Non, je peux continuer un petit peu le film ou... Hein ? Je peux continuer un petit peu le c'est pas fini ? Non, c'est pas fini. J'ai pas dit la course. Bah, tu m'as dit la course à la fin. Ouais, ah, mais d'accord, ouais. La course à la fin, mais entre-temps, il se passe un truc. Mais tu nous parles pas de la fin avant le milieu. Mais c'est toi qui me parlais de la course, s'il gagnait la course. Mais tu dis non, la course, je dis pas ce que ça se passe à la fin de la course. Ah. Entre-temps, il y a une autre affaire. Vas-y, raconte. Pendant la course. Mais avant la course. Avant. Mais fallait pas nous parler de la course alors. Mais c'est toi qui me parles de la course que. Mais je pouvais pas le savoir. Il a gagné. Moi je te dis, tu verras ça à la fin. D'accord. À la fin. Enfin, je rassure tout le monde, il y a quelqu'un qui gagne la course. Voilà. Il arrive premier. Il y a quelqu'un qui arrive premier. C'est le shérif. Et il y a un dernier aussi d'ailleurs. Oui. Il y a un avant-dernier. Il y a toujours un premier et un dernier. Il y a un quatrième. Il y a un troisième. Et des fois, quand il y a pas grand monde qui arrive, le premier et le dernier, c'est le même. D'accord, je viens de comprendre. Soit. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, bah, il voulait participer à une course. Donc, il y a Boss Hogg. Donc, le. On va dire le. Le boss. C'est ouais, le limite. Gros riche. C'est voilà, le c'est gros riche, le riche. Je crois que c'est, c'est pas le maire. Je crois que c'est rapproche un peu au maire. Le. Comment on dit? Le. Le producteur. Oui, c'est le boss, mais bon, c'est. Ouais, on va dire c'est un peu comme le maire, quoi. D'une ville. Moi, je dis que c'est un peu comme le maire, parce que franchement, il y a. Enfin, il se comporte en tant que tel. En voilà, fait. D'accord. C'est pas lui, mais il se comporte en tant que tel. Mais c'est un méchant. Il se donne l'étiquette du maire, en gros. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Donc, bah, c'est un maire, si tu dis que c'est un maire, il est forcément méchant. Il va mettre un alambic. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est un alambic, c'est pour fabriquer de la. L'agneau. L'agneau, le petit l'agneau. Voilà. C'est ça. Non. Fabriquer l'agneau. C'est pas vrai. Ah, ah, c'est pas c'est... du tout vrai. Si, l'alambic, c'est un outil, c'est un outil utilisé en chimie, donc tu fabriques pas que de l'agneau là. Oui, avec ça. Oui, mais non, mais ça le pochetron. Théoriquement, tu fabriques pas que de l'agneau, on est d'accord. Non, non, non, tu peux fabriquer plein de choses avec un alambic, tu peux distiller pas mal de produits. Oui, mais tout nous ça, ici, on fait de l'agneau avec. Voilà. Donc tes produits licites, on n'en veut pas. J'ai pas dit les produits licites. L'agneau, c'est ah, mais tu le pensais. L'agneau à l'époque, c'est licite, attention. Oui. Gnôle contre monde. Et du coup, il va placer un. Ouais. Il va placer un alambic dans la moi voiture cher. De. Non, dans la ferme. Ah, dans la ferme. Du coup, donc, ils vont se rigoler. Donc là, la ferme, bah, ils saisissent de la ferme. Ouais. Et pour sauver leur ferme, parce qu'ils ont découvert qu'en fait, ils voulaient faire une carrière. Bah, ils participent à la course. Moi aussi, je veux faire carrière. Donc, c'est la ferme, toi, ils vont. Il y a ah, d'accord. Tu vas comprendre. Donc, toi, ils vont faire une carrière à la place des fermes. Parce que ouais, toi, il y a plusieurs fermes de saisie. Mm-hmm. Et sauf que bah, le problème, c'est que, tu sais, bah, toi, ça passe au tribunal, ce genre de truc. Bah, ouais. Aussi. Et comme par hasard, le tribunal, ça se passe pendant la course. Il a réussi à s'arranger. Tu dois aller au tribunal et à la course. Voilà. Oh putain, le con. Donc en gros, il commence la course, il va au tribunal et après il s'en va. Non, non, je résume. Tu fais carrière ou tu la fermes. Bon, c'est chaud quand même. Non, mais c'est chaud. C'est qu'en fait, non, parce qu'il y a une carrière, une ferme. Bon, j'étais un peu loin dans le jeu de mots. Ah oui, bon. J'ai voilà, pas pensé ça. Ouais. Mais il est plus de 21h, faut les excuser. Oui, on a le droit. Oh putain, il est bientôt 22h. Puis il a mangé un gastro ce midi, alors. Ouais, bah ouais, c'était tellement bon. Ouais, c'est pour Je suis sorti de table, il était 17h. Sacré repas. Ouais. Il restera dans les annales. Pas de jeu de mots. Voilà, ouais, bien joué. J'ai pas compris où pouvait être le jeu de mots. Dès qu'on parle d'anal, de toute façon, il y a forcément quelque chose. Ça a chier. On t'a dit, hein. Alambic ? Anal ? Alambic. Quoi ? Pourquoi alambic ? C'est quoi le rapport ? Un alambic anal. On a perdu Jolan, On va mettre une musique pour le temps qu'ils reviennent. Ouais. On va écouter l'Avril Lavigne avec Panic at the Disco. Ils ont fait on a fait un match-up. It's a little complicated. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Exactement. Et là, on vient d'entendre un match-up de Avril Lavigne. Et je sais plus l'autre, mais je connais Avril Lavigne par contre. Et je dois avouer que j'adore cet artiste. Elle va faire une tournée là, bientôt. Ah ouais ? D'accord. Qu'est-ce qu'Antoine. La vidéo. Qu'est-ce qu'elle a la vidéo ? Ça me perturbe quand même. Ah, ça a repris, je travaillais. C'est pas très grave, on a le droit de travailler. Donc moi, je suis un petit big up à Avril Lavigne. Tiens, nous écoute. Bon, ça m'étonnerait. Alors, je vais vous parler d'un manga, parce que c'est mon tour. Non, c'est pas étonnant ça. Ouais, t'as vu hein. Ouais. J'en ai parlé ce midi à mon repas. Ah, bah, j'étais pas là donc. Ouais. Mais j'en ai parlé et ils m'ont dit: ah, tu fais les mangas toi, je parie. Bah, ouais, j'avais ma veste orange Dragon Ball. Ils l'ont envoyé tout de suite. Ah, ils l'ont très bien parié, t'as perdu quoi? Ah, bah rien. Ah. Il y avait rien à ta veste. Oh non. Même le serveur. Lui, il avait pas écouté ça, mais il me dit: oh, si j'avais su que je recevrais Son Goku dans mon. What? Bon, c'était assez marrant. Enfin, tant que t'as pas pris une veste. Hein? Tant que t'as pas pris une veste, c'est le principal. Non, ouais, non, c'est... j'ai que la mienne. Ah oui, l'expression, putain. Ouais. Oh, t'es pas. Ouais, mais je suis pas tu frais. Tu t'es pris une veste. Ah, ouais. Oh, ouais. J'suis oh pas le frais. Gastro, ça t'a ramolli. Tu arrêtes le gastro, ouais, toi. Ouais, hein. La boulangerie. Alors, c'est la gastro. Je vais pas beaucoup dormir. La boulangerie ou la boulangère? Les deux. Les deux. Ah bah, les deux. Peut-être le boulanger. Ah, ouais, mais hein. Tu fais pas. Enfin, j'espère qu'elle moitié. Nous écoute pas. Pour le coup. Non. Je fais un gros big up à ma boulangerie. J'aime bien les big up. Je peux en faire un, je fais un big up à ma promo de l'escate. Oui. On fait un promo à Big Up de l'escat. Je fais une promo. Oui, on fait des big up à ta promo qui nous écoute sans doute. Sans doute. J'espère. Ils ont intérêt. Et faut qu'ils viennent aussi dans le SVA. Oui. Participer. Enfin, même j'aurais dit de venir s'ils voulaient à participer à l'émission. Bah ouais, totalement. Si elle présentait un truc ou juste être avec nous en tant qu'invité. Ouais. Tu te plains pas, Daniel, c'est cool, non? Non, à la limite, je me suis dit, ils vont se plaindre parce que j'en raconte trop, mais non, ça va, c'est bon. Voilà. Je m'attendais. Daniel, ferme-la! Non. Mais non, ils sont gentils ici, ils sont adorables. On n'est pas comme ça chez Destin. Alors, on a des petits bonbons, des fois on a des pizzas, peut-être des ébus. Tant que c'est pas mieux, ils m'ont dit, viens, il y aura des pizzas, mais enfin, les pizzas, comme par hasard, il n'y en a pas sort, c'est peut-être la grève, elles n'ont pas pris le train. Parce que c'est Joachim qui les livre, du coup. Ah, ouais. Il est en train. Qu'il est pas là. Ouais, c'est vrai, il est pas là. Bon, je sais pas, il doit faire grève, il est parti à Paris, donc j'en sais rien. Bon, ils n'ont même pas de fraise tagada pour moi, alors c'est dire qu'ils n'ont pas grand-chose. On n'a pas de fraise tagada. On avait des... Comment ça s'appelle? Des dragibus? Ouais. On a des dragibus. Amateur. Donc... Tant pis. Bon. Je veux que tu sais que j'ai mangé la moitié de ton sachet. C'est pas le mien, déjà. Mais... Oh bah, je sais pas, j'ai mangé la moitié. La moitié de son sachet? Quatre sachets. Des dragibus. Est-ce que t'as mangé le manga que je présentais? Bah non, ça se mange pas un manga, tu vas me dire. Ah oui, c'est vrai, tu parles, excuse-moi. Ouais, c'est pas grave. T'as écrit en combien? Oui, alors oui, sur ma feuille, alors vous le voyez pas, je vais vous le montrer après. En fait, j'ai écrit en 8, et après en 16, parce que la partie en 8, faudra que je vous la lise, elle est assez importante, même si j'ai écrit en plus petit. C'était pour tout rendre sur une feuille pour éviter de faire du gâchis. J'ai horreur de faire plusieurs feuilles et du gâchis de feuilles. C'est pas con, ça. Ouais. Alors, je vais vous parler de Kuroko's Basket. C'est l'anime est sorti en 2012 en France. Il a été créé et écrit du coup par Tadatoshi Fujimaki. C'est compliqué à dire. Redis, s'il te plaît, j'ai pas compris. Oh putain. Toi, t'as Tadatoshi Fujimaki. Et là, ce qu'on entend, c'était l'opening. Vas-y, monte-le un petit peu. Là, je sais pas, j'osais pas, c'est comme tu parlais. Si, vas-y, monte-le un peu. Et il est bon. Hein. Ah ouais, ça c'est du bon ça. Dès le début, ils envoient ça, c'est le premier opening de l'anime. Perso, j'adore ça. Ouais, ça fait penser un peu à Baki. Ouais. Ça fait un peu sportif, pour le coup. Ouais. On ressent bien un peu l'esprit sportif dans ce manga. Enfin, je sais pas, moi je vois ça comme ça. Donc du coup, c'est un shonen de sport sur le basket. Mmh. Donc voilà. Il a été élu meilleur shonen 2012 par les lecteurs de Manga News en France. Donc c'est pas rien quand même. C'est qu'en France en plus, d'habitude je vous présente des trucs qui ont été élus je sais pas quoi au Japon. Là c'est en France, ça change. Et justement je vais vous lire le petit paragraphe en tout petit. Parce que en fait l'auteur il a eu des problèmes. Ah. Il a été menacé de mort. C'est pour ça que c'est en tout petit? Non, c'est parce que juste ça concerne pas vraiment le manga. Du coup je l'ai mis en tout petit pour bien le séparer. Donc je vais vous le lire, et là ça va faire mort. Il a été menacé de mort en octobre 2012. Lui et son entourage ont reçu des lettres de menace. Pourquoi? Qui demandaient à l'auteur d'arrêter la série. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Ils l'ont menacé d'attaque chimique au sulfure d'hydrogène. Ouais. C'est plutôt sympa ça. Bah ouais. C'est vachement amical. Ouais, c'est clair. Donc du coup il y a une enquête qui a été ouverte parce que... C'est des barjots. Je sais pas, ça devait être pris au sérieux cette menace là parce que j'imagine qu'ils en reçoivent plein quand même. Bah ça arrive quand même. D'hydrogène ils reçoivent Non, plein de menaces. Il y a beaucoup de gens célèbres qui reçoivent des menaces. Excusez-moi d'avoir fait l'imbécile, mais la précision était nécessaire. c'est pas faux. J'espère que personne reçoit des menaces au sulfure d'hydrogène. Ah non. Et encore moins le sulfure d'hydrogène. Encore moins celui-là, effectivement. Donc il y a une enquête qui a été ouverte. Il y a même l'éditeur japonais Suiesha, bon on connaît pas forcément, mais bon, il a décidé d'annuler plusieurs événements et conventions sur ce manga-là. Donc ça a coûté quand même pas mal de millions d'euros. Ouais. Ça a coûté 10 millions de yens en tout, des yens. On parle en yens au Japon. On parle en yens au Japon. Ils ont été, chassés du Comiket. Ah oui, alors, on connaît pas non plus, mais c'est un événement où il y a plein de mangaka qui se réunissent. Ouais, ils étaient pas aimés quoi, visiblement. Bah, c'est pas qu'ils ont pas été aimés, c'était dans une démarche pour protéger, enfin pour assurer la sécurité. Ah ok. Parce que du comme coup, il ils a disent, eu reçu des menaces. Bah ouais, voilà, ils pourraient passer à l'action vu qu'il y a plein de gens qui ont accès justement au mangaka quoi. Ils sont devant les personnes en fait. Oui, parfois. Bah, c'est un peu comme la Japan Expo, il y a pas que la partie manga. Enfin non, jeux vidéo, je veux dire. Ils ont pas de sulfure d'hydrogène. Ils ont pas de sulfure d'hydrogène effectivement. Japan Expo hein. Bah, voilà, mais ils ont réussi à le choper quand même en 2013 par contre, donc un an plus tard. Non. Ils ont réussi à le choper. Le mec, il s'est rendu parce que Il s'est fait filmer par une caméra. Ah. Dans un magasin, il était en train de remplacer des chewing-gums par un autre produit toxique. Putain, mais il est complètement... Pourquoi ? Je sais pas. Mais du coup, il s'est fait choper. Il a avoué lui-même, parce qu'il n'y avait aucun rapport entre les chewing-gums et oui, l'auteur. Bah ouais, ouais. Et il a été condamné à 4 ans et demi de prison. C'est tout ? C'est tout, c'est vrai. Parce qu'il pour des menaces d'amour, quand même. Hein. Bah, pour rigoler, une fois, j'ai remplacé la limonade par du Wild Spirit. C'était trop drôle. Ah, moi j'en ai une blague comme ça, là tu parlais de tuer des gastro, gens de resto gastro. Ah. Et il y a une époque quand je travaillais en déplacement. Rétro gastro, c'est resto gastro, c'est autre chose. Dodo, oui aussi, quand t'as trop gastroté, oui, c'est ça. Oui. Ouais, alors je travaillais en déplacement et puis dans beaux hôtels aussi, c'était pas des gastro, c'était de haut de gamme, hein. Je sais pas comment on appelle ça en haut de gamme. Gastronomie. Et il y avait toujours le frigo avec les mignonnettes de whisky. Alors ce qu'on faisait avec les collègues, on achetait une bouteille de whisky bas de gamme, on défaisait les collerettes des petits bouchons à vis. Non. Ouais. On buvait le bon whisky 20 ans d'âge et on remplissait de whisky premier prix. C'est comme quand t'es jeune et que tu prends de la vodka et que tu remplaces par de l'eau. Voilà. Ah oui, pas con. Ouais. Oh, mais ça se voit ça. Non, mais là, bah là oui, après, ça... On... Non, ça se voit ouais. pas. Non, ça se voit pas, mais ça sent. Par contre, le whisky bas de gamme, si t'es pas connaisseur de whisky, tu... ouais. D'ailleurs, en parlant d'astuces comme ça, j'ai vu. On s'éloigne un peu. J'ai vu une vidéo qui m'a fait beaucoup rire. Tu sais, c'est un mec qui prend une bouteille de Campbell, le truc qui coûte 30 balles. Ouais. Il voit un truc pour peser les légumes. Il prend un truc à 1€, il l'a pasté à la caisse pour où il y a pas les caissières qui vérifient pas. Ouais, pour mettre il a payé étiquette. Son truc à 1€ au lieu de 30 balles et il est passé. Mais ce que je fais, j'étais choqué, j'ai chaud. J'ai fait mais what. C'est quand tu prends un sachet de graines ou de bananes et que tu fais le prix le plus bas pour pas payer. Mm. Tu sais que quand tu prends des cacahuètes ou des arachides. Oui, il y a les gens aussi, quand ils posent sur la balance, ils soulèvent légèrement le sac. Non, l'astuce, quand tu pouvais, c'était bah tu pèses et puis t'en rajoutes après. Mon grand-père oui. faisait ça. Bah oui, c'est vrai. Voilà. J'ai accompagné ma grand-mère, lui, il prenait des piles, il les mettait en bas du caddie et il mettait un sac de croquettes par-dessus. Et vu que tu soulèves pas le sac de croquettes, comme ça, ils se caillaient que ça, ils commençaient à piquer les piles comme ça. Bah maintenant, ils vont soulever, grâce au podcast, ils vont soulever les piles de croquettes. Ouais, c'est ça. Voilà, t'as balancé ton grand-père. Merde. T'es fier de toi. Attends, est-ce que je peux balancer aussi ma mère une fois le truc. Ça, par contre, après, c'est pas de sa faute. C'est vrai qu'elle oublie souvent. Et moi, je connaissais un mec aussi, parce que du coup. Bah non, je fais mon anecdote, tu la feras après. Oh, chacun a sa. C'est ça, chronique. Il y a un mec, c'était sur les. Comment dire. Sur les films Marvel, justement. Il y en a, ils ont des jaquettes en carton, des fois. Ou que dedans t'as le DVD et en fait ça se glisse comme ça. Mmh. Et après t'as la boîte de DVD dedans. Mmh. Et en fait il achetait toujours le même DVD. Enfin toujours la même jaquette. Les gens ils ont rien vu mais en fait il changeait le DVD à l'intérieur. Il mettait tous les nouveaux. Et lui bah ça faisait un moment qu'il était sorti donc il était à 10€. Alors que les nouveaux DVD ou Blu-ray ça coûte 20-30 balles. Oh l'enfoiré. Donc à chaque fois il grattait comme ça. Putain mais c'est pas con. C'est pas con ce problème c'est que. Attends, le truc, il s'est fait choper ou pas au bout d'un moment. Non non, non jamais, il s'est pas fait choper. Oh le génie. Mais comment dire, les. Je sais pas, ils ont des statistiques parce qu'ils passaient en caisse sans vendeuse. Ah. Du coup, normalement ils ont des stats et il y a des relectures. Mais comment dire, c'est calculé tout ça les relectures et tout. Il pourrait vérifier le fait qu'il achète toujours le même DVD. Ouais. Ils doivent le savoir, c'est écrit sur sa carte de fidélité. En gros, ils peuvent voir ce qu'ils achètent. J'avoue. Le mec, ça fait je sais pas combien de temps, il y a combien de DVD Marvel qui sont sortis. Il a acheté 20 fois le même. Il y a peut-être quelque chose à creuser là, je sais pas. C'était pour offrir aux copains ou aux copines. Il l'avait trouvé tellement il bien. Il aime beaucoup qu'il veut. Il est génial, tiens, je te l'achète. Je collectionne le Iron Man 1 depuis. Depuis 10 ans maintenant. C'est ça. Et je veux voir s'il y a des bips maintenant dans les dialogues alors. Non, mais je sais pas quoi c'est sur ma mère. C'était quoi? Je peux penser celle de ma mère. Je sais pas. Ah non, non, t'as fait ton anecdote. Ouais, t'en as déjà fait. Attends, j'en ai encore plusieurs comme ça. Non, mais bah tu t'as. Arrête, tu les arnaques, bordel. On est là pour autre chose. Il parle de tes arnaques. Si tu balances toutes tes arnaques. Elle, c'est sans faire esprit. Enfin, si tu veux, t'as le caddie. Ah ouais, elle l'a pas fait. T'as le pot sac à main, tu sais, qui est tout en bas. Ouais. En fait, t'as une espèce de petite cachette, tu sais, que tu poses le sac à main. Elle avait pris une bouteille de coca, elle a posé dessus, et à la caisse, elle est passée comme ça. Ça a pas sonné. J'ai aussi des jouets de bébé aussi qui passent, moi, dans le caddie, parce que bébé les ramasse dans les rayons et hop. On le voit pas forcément, puis ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut avec ça? Ça vient d'où? Bah, y a encore les tickets. Ah bah merde. Pickpocket le bébé. Mais bon, revenons à notre sujet. C'était une nouvelle rubrique. Ouais, fait. C'était la rubrique arnaque. Arnaque et astuce. Astuce et arnaque. Alors, le mec qui a menacé de mort le créateur de Kuroko Basket, et, comment dire, il a fait ça par jalousie du succès. Ah. Il l'a sorti en 2012, il l'a menacé en 2012, un peu avant en plus qu'il l'ait sorti. Ouais, il est un peu con, hein. Enfin, il est assez limité. Mais bon, voilà. On soutient les mangaka qui sont menacés de mort. Voilà, c'est ouais. Tout ce que je voulais faire passer comme message en PK Avenger. Alors, le manga en lui-même, ça présente de base le collège Taiko au Japon. C'est un club de baseball. Il était connu pour avoir la meilleure équipe du Japon. Ça, c'est 5 génies du basket. On l'a appelé la génération miracle. Et en fait, il y a une rumeur qui raconte que dans cette génération miracle, il y avait un 6ème joueur. Le joueur fantôme. Donc personne le connaît, personne a d'infos sur lui. Personne l'a vu. Ouais, voilà, c'est ça. Personne l'a vu. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un 6ème joueur. C'est qu'une rumeur de toute façon. Ouais. Mais bon, c'est la fin de la scolarité au collège Taiko. Donc tous ses membres, ils se dispersent. Et nous, l'histoire qu'on va avoir, en fait, ça va être l'histoire justement du 6ème membre qui s'appelle Tetsuya Kuroko. Ouais. Le fameux joueur fantôme. Comment dire, il arrive dans un lycée qui s'appelle Seirin. C'est un lycée pas très connu pour le basket. Tous les autres, ils sont dans des grands lycées de, où il y a un club de basket vachement important. Lui, non, pas du tout. C'est le lycée Seirin. Ce petite équipe de basket qui vient d'être créée, elle a à peine un an. Donc voilà. Il arrive, il est un rookie. C'est un nouveau, quoi. Il y en a un autre aussi qui arrive qui s'appelle Taiga. J'ai oublié son nom de famille. Ils ont en même temps, c'est en fait, il est tellement compliqué. Taiga Kagami. Je l'ai oublié, je veux pas le dire, je l'ai oublié. Taiga Kagami. Non, il l'a pas oublié. Il s'est écrit sur ma feuille. C'est pour ça que ma feuille est là, c'est pour me rappeler des choses. voilà, donc eux, c'est deux nouveaux. Donc Tetsuya, bah, lui, il paye pas de bonne mine. Il est tout petit, il est chétif. Pour un basketteur, ouais, change de sport en fait. c'est simple que ça. Quand l'entraîneuse, elle l'a vu, elle s'est dit, mais c'est quoi cette crevette là? Qu'est-ce que je vais en faire de cette merde? Enfin, grosso modo, c'est ça. Puis t'as à côté, t'as Taiga, le mec presque 2 mètres, fort baraqué. Une perle, un diamant brut, qui avait même pas fini sa croissance et tout, donc niveau sportif, ça envoie du lourd. Hein, c'est quelque chose où qu'elle peut en tirer un potentiel énorme. Donc ils se disent, on va les mettre à l'épreuve, les rookies, cette année, on va faire les anciens contre les rookies. Et c'est là qu'ils découvrent, en fait, et c'est là aussi que nous, on découvre en tant que lecteur, ou en tant que visionneur. C'est bizarre. Spectateur. Spectateur, voilà, c'est mieux. Je cherchais un mot qui passait. Qu'on découvre le talent de Kuroko. En fait, il est invisible dans la vie, grosso modo, il a pas de personnalité. Ouais, c'est, dur. C'est un peu Où est Charlie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu Où est Charlie. Les cassos. Attends, dans les exactement. Il est devant eux, mais ils le voient pas. Oh, le pauvre. Il a un art. Bah, c'est pas vraiment le pauvre. Sur Facebook, mes amis ne me trouvent pas. quoi d'autre? Le GPS aussi. Et le mec qui est dans la salle de cassos. Mais. Enfin, il appelle. Ouais, Charlie s'est pas présenté, mais il est en face. Ouais, voilà. Voilà. Et ben là, c'est un peu le même principe, grosso modo. Alors, non seulement il est discret en fait dans sa personnalité et tout ça, mais en plus il est, on va dire, un peu magicien. Il a l'art de détourner les choses. Donc ces deux éléments combinés, les gens ils le voient même pas sur le terrain. Ils ont l'impression qu'ils sont que l'équipe adverse est 4. Ça le fait, enfin voilà. Du coup, en fait, il peut faire des super passes en fait, grosso modo. Les gens ils voient pas. Du coup, ils ont l'impression que le ballon il fait des déviations. Alors qu'en fait, c'est juste un de ses coéquipiers qui lui ont fait une passe et il a fait une autre passe. Mais du coup, ça donne une autre envergure. Enfin, ça change la vision du jeu de basket. Parce que du coup, tu vois ça. Enfin, ouais, vous ne voyez pas. Si vous nous écoutez, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas ma main faire des gestes bizarres. Mais ça, ils ont l'impression de voir le ballon se dévier. En fait, ce joueur, depuis, est devenu un Avengers. Et il s'appelle Deadpool, c'est ça? Non. On ne le voit pas non plus. Ah, si, Deadpool, ça, tu le vois. Si, mais il y a des fois, on ne le voit pas. Il est tellement petit, il y a des fois, on ne le voit pas. Moi j'aime bien Deadpool. Moi j'aime bien les amis. Mais, bon. Mais il joue pas au basket. Non, mais il pourrait. Il pourrait. comment dire. Du coup, en fait, c'est ça qu'il faisait au collège Taiko quand il était avec la génération Miracle. Il faisait des passes magiques en fait. Même s'ils avaient tous des talents individuels vachement prononcés, lui, bah, c'était un pilier en fait de l'équipe, mais invisible. Et du coup, il a un rêve. Enfin, c'est pas vraiment un rêve en fait, il a un objectif plutôt. Ça serait battre les membres justement de cette génération miracle qui sont maintenant partis dans des lycées. Ils sont tous partis dans des clubs différents. Ils veulent les battre parce qu'en gros, ils ont perdu la foi dans le basket, grosso modo. Comment expliquer ça? Ils aiment le basket et tout. Hein, ils ont plus la même passion qu'ils avaient au début, c'est ça? Ils sont là pour la compétition, ils sont là pour écraser les autres en fait. Vu qu'ils sont supérieurs, ils veulent tout écraser. Et du coup, pour ça, il est tombé sur un bon partenaire, Taiga Kagami, qui lui est un excellent dunker. Dunker, c'est le fait de mettre des paniers en touchant l'arceau, en restant accroché. Ça, c'est un dunk. C'est sa petite signature, on va dire, les dunks, mais voilà. Et comment dire, lui, il a pour objectif de faire valoriser le basket au Japon, parce que il est japonais de base. Il a fait ses études en Amérique, donc Amérique, on va dire, le pays du basket hein, quand même. Au Japon, Amérique, c'est pas vraiment la même chose, le basket. C'est pas le même engouement. Pas le même niveau, surtout. Bah ouais. Et puis, il est revenu au Japon, puis il a vu le niveau des Japonais, il s'est dit, putain, c'est quoi cette merde. Enfin, grosso modo, c'est ça. Et du coup, il veut écraser, lui, la génération miracle, ouais. Pour dire, faut faire mieux que ça au niveau basket. Bon, il va s'y frotter, il va comprendre que, ouais, non, ils sont pas si nuls que ça. S'y frotte, s'y pique. Ouais. Pour qu'il pique. Ils sont bons. Et ils les affrontent, mais on va dire individuellement. Ah. Dans des équipes, ils ont d'autres membres assez forts dans les équipes, mais généralement, quand t'as un membre de la Génération Miracle, c'est lui le meilleur. Il y en a un, par exemple, le premier qu'ils vont rencontrer, c'est non, c'est pas Kizame, ça c'est un autre manga. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Naruto, ça, Kizame. Exactement. Il va rencontrer un, en fait, il est capable de copier n'importe quelle technique. Dès qu'il la voit, paf, il peut la copier. Ça va être le premier mec de la Génération Miracle qu'ils doivent écraser. Après, t'en as un, c'est un scoreur légendaire. Alors, un scoreur, en gros, c'est le mec qui va marquer le plus de paniers, en gros. Il va faire que ça. Marquer. Il dunk, il dribble, il est inarrêtable. Personne peut l'arrêter, en fait. À lui tout seul, il fait les 5 joueurs. Il les passe sans problème. Je l'adore, ce mec. Aominé, je me blais en attendant de chercher son nom. J'imagine très bien la série. Le mec se fait une passe à lui-même en courant. Il se lance la balle et il rattrape plus loin. Mais du coup, il a même pas besoin de son équipe pour jouer les limites. Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est en partie pour lui que Kuroko il veut battre. Enfin, c'est lui qui veut battre surtout. Ah, ok. Parce qu'avant, ils étaient super potes avec Kuroko quand ils étaient au collège. Mmh. Et lui, il cherche des adversaires. Ne serait-ce qu'à sa hauteur, mais il n'en trouve même pas. Mais là, avec la vitesse, on est carrément dans les X-Men avec Tornade. Et alors, il n'y a pas vraiment de pouvoir, si ce n'est qu'à la fin, ils vont parler d'un truc, enfin, pas à la fin, mais dans le milieu, ils vont parler d'un truc qui s'appelle la zone. Donc en fait, c'est un état un peu de transe où que le joueur. Il est surhumain, quoi. Et c'est assez marrant à voir. Franchement, c'est cool, parce que je pensais pas qu'un manga de sport me plairait autant. Je suis pas très manga de sport de base. C'est le fait qu'il y ait un peu de super pouvoir aussi. Pas au début. Non, mais alors peut-être que tu t'attaches au personnage. Oui, ouais, voilà. C'est vrai, je te confirme. Pas que tu fasses du sport ou quoi que ce soit, mais le fait que. J'ai fait du basket à cause de ça. Voilà, un maillot de ça. Si t'arrives à t'identifier, t'arrives à t'attacher, t'arrives à trouver de l'intérêt à l'histoire. Après, moi, je sais pas où est-ce que c'est ma spécialité. Hein, parce que... Enfin, je te rassure, dans un manga de sport, c'est pas toi qui fais le sport. Non. Bah c'est comme quand on joue à FIFA. Quand on joue à FIFA, c'est les joueurs qui causent. Ça c'est un autre débat. Ouais, j'ai bien transpiré là. Ouais, c'est ça. Oh mon dieu. Je transpire des pouces là, c'est plus possible. Alors vous le verriez ici dans là vous pouvez pas parce que il y a les écrans mais donc on voit ça dégouline. Hein, ouais. Ah, je suis en susu là comme les oignons c'est... fruits à la poêle. Ouais, on va bientôt se mouiller. Hein. Donne faim. Voilà. Et du coup, ils vont faire plusieurs compétitions dans l'année, évidemment. Ils vont avoir pas mal de choses. Ils vont avoir un nouveau membre qui va arriver qui s'appelle. Je sais plus comment, mais il fait partie des rois sans couronne. C'est pas japonais, ça, je sais plus comment. C'est pas japonais, mais son nom à lui, il est bien japonais. Donc. Kiyoshi. Voilà, Kiyoshi Tepei. Wow. Oh, ça me revient par flash, c'est même pas écrit sur ma feuille. Waouh. Le mec, en fait, c'est un roi sans couronne. Donc lui, en fait, tu vois, t'as la génération miracle. Au collège, il dominait tout le monde. Hein. Il s'écrasait. C'est genre des sorts de 150-0. Ou allez, 3-4 peut-être, pour être gentil. Mais du coup, il y avait quand même des joueurs qui étaient vachement forts. Et il y avait une équipe, notamment, qui s'appelait les rois sans couronne. Ils étaient bons, mais bon, ils se faisaient écraser quand même. Voilà, c'est stylé, mais ils étaient mauvais comparé à la génération miracle. Mais il n'y aurait pas eu la génération miracle, ça aurait été eux les meilleurs. D'accord. Alors du coup ils en ont un de ses membres dans leur équipe. Ils vont en affronter le capitaine du collège Taiko. Donc vous imaginez bien que c'est forcément une bête. Il fait la taille à Kuroko. Il est tout petit. Il est pas spécialement plus fort qu'un autre. C'est quoi son poids? On l'appelle l'empereur. What? On l'appelle l'empereur. Lui en fait sa technique en gros c'est il te fait trébucher en fait quand tu le vois. Sans te toucher il peut te faire tomber. Parce que je sais pas, quand il jongle, en fait, tu fais des mouvements pour essayer de. Et ouais, il fait tomber. Ça va être très drôle. Ouais. C'est... Et il a 3 rois sans couronne dans son équipe. Excellent. Donc, ça envoie du lore. T'en as un autre. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Il a les cheveux verts. C'est le plus. Non, c'est pas le plus grand de l'équipe. Enfin, de la génération miracle, hein, je parle. Parce qu'ils sont intéressants. Ils ont tous une personnalité, des trucs. Genre, lui, par exemple, il croit beaucoup en. Comment dire, en l'astrologie. Ah. Il regarde toujours les trucs d'horoscope. Genre, il faut un porte-bonheur au Japon. Il faut toujours un porte-bonheur du jour. Lui, il l'a toujours avec lui. Il a des petits bandages sur ses doigts pour pas les abîmer. C'est recherché quand même comme personnalité. Et lui, ses spécialités, c'est les paniers à 3 points. Donc, quand tu tires en dehors d'une zone, quand tu tires presque au milieu du terrain, en fait, quand tu marques un point, c'est un panier à 3 points. Donc, quand t'as ça, bah, le mec, il tire presque du. Presque de la. Comment dire, à l'autre bout du terrain, il marque. Et tout le temps, il rate jamais. Donc, ça aussi, c'est un peu chiant à battre comme joueur. T'as quoi d'autre? Je sais plus, je crois que j'ai fait le tour. Bah, ils ont chacun des caractéristiques. Ah, il y a le défenseur aussi. Particulière. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis bah, le dernier, c'est le pivot aussi. Alors, pivot, en gros, c'est un mec qui se met sous le panier. Donc, c'est utile en attaque pour faire les rebonds. Quand, ouais. Quand le ballon il touche l'arceau, paf, il retombe. Faut rattraper le ballon et le repasser à un joueur. Donc là-dessus, bah, il est géant et bon, je sais pas, il y arrive toujours. Et puis en défense. Parce que bon, bah, vu qu'il est énorme. Et lui, bah, il est pas intéressé par le basket, ça intéresse pas, il trouve ça nul. Mais il joue quand même. D'accord. Le mec, il se torture l'esprit pour rien. Là. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Kuroko, le héros, il veut tous les écraser pour. Pas les écraser, les battre. Pour leur dire, le basket en fait c'est fun, faut s'amuser, faut pas oublier l'esprit d'équipe. Parce que eux ils ont pas d'esprit d'équipe hein, généralement dans l'équipe, c'est chacun pour sa gueule. Ouais. Y a plus d'esprit de cohésion. Ça. Ouais, voilà, c'est ça, ils ont perdu quelque chose en fait. On joue solo. C'est ça. Mais c'est trop ça. Le pire c'est Aominé pour ça. Solo, il arrive même pas au début des matchs, il arrive qu'à la fin, il s'entraîne jamais. Mais il y a une phrase aussi qu'il dit qui est très intéressante, c'est. Le seul contre qui peut rivaliser, c'est moi-même. Enfin, le seul avec qui il peut rivaliser, c'est soi-même. Mais forcément, il est un peu égocentrique, le mec. Hein. Bah, oh, le melon. Bah, ouais, j'avoue. En même écoute, temps, quand tu battre, le vois. À part moi-même, voilà, c'est comme ça. Bah, c'est ça. Mais en vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, mais je te crois. C'est quasiment impossible de le battre. Bah, je vous en dis pas plus s'il le bat ou pas, même si vous doutez bien qu'il... Non, disons pas plus, parce que là, après, on va plus regarder le manga. Si c'est toujours lui qui gagne, ça va pas le faire, là, c'est... Non, mais lui, il fait pas partie de l'équipe du héros. Lui, il fait partie... Lui, c'est un obstacle à franchir. Mais voilà l'obstacle. Non, il y a que Kuroko et Taiga Kagami qui doivent affronter tous les autres. Bonne chance. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Les épisodes sont longs. Il y a combien de saisons? Non, c'est classique. Ça doit être une demi-heure. Une demi-heure. Ouais, j'ai pas vérifié. Mais j'ai pas écrit ça. Tu sais le nombre de saisons qu'il y a dans? Il y en a trois. Trois. Ok. Il y a trois saisons, ouais. Et il y a un hors-série, je crois, qui s'appelle Extra Game. Alors attends, si je me trompe pas, est-ce que je l'ai vu? Parce que il s'appelle Extra Game au Japon, mais chez nous, en fait, il a été plus ou moins intégré à la série. Ils font chier les Français à tout intégrer. Bah ouais, c'est compliqué en fait pour le remettre parce que du coup, moi je l'ai vu, ça fait comme s'il faisait partie de la série. Je crois que c'est le moment où ils font. Non, je crois que c'est tout à la fin. Ouais. En fait, ils font un match. Attention, spoil, non? Non, bah non, justement, c'est un hors série, ça n'a rien à voir. Ah ok, bah c'est un hors série. Ils font un match où il n'y a que les membres de la génération Miracle qui font du street basket en gros. Mm. Ils font un 3 contre 3 parce que basket c'est 5 contre 5. Mm. Basket, oui, c'est 3 contre 3. Ouais, 3. Voilà. Aominé, c'est sa spécialité d'ailleurs, street basket. Parce qu'il n'a pas un basket. D'ailleurs, ouais. Tu nous as épaté avec ta prononciation. Alors là, je te donne 30 secondes pour nous répéter tous les noms des personnages. Ok. Alors attends. Il y a quelqu'un qui peut chronométrer? Attends, il y a le truc. Dès qu'il est 30 là en haut. Voilà. Ah ouais, parce que là voilà. Franchement, il nous a épaté. Un parti. Tetsuya Kuroko, Taiga Kagami. Aominé, Je t'en ai trouvé, d'accord. Ils sont pas tous à la suite. Tadatoshi Fujimaki. Est-ce que j'ai d'autres noms? J'ai pas d'autres noms sur ma feuille. Je n'ai pas d'autres noms. Ah, en tout cas, c'est bien, tu les as. Est-ce que t'as le nom de la prochaine musique? Le nom de la prochaine musique? Oh, transition! Oh, ouais, magnifique! Oh, c'est magique! Oui, c'est Astonia. C'est facile. Mais enfin, bravo, tu les as retrouvés en 30 secondes, tu les as prononcés sans accrocher, écorcher un mot. Ouais, bah, c'est comme tout. C'est bien. faut les lire une fois et puis voilà. Mais c'est vrai que les prénoms japonais, c'est compliqué des fois. Hein. Ouais, il n'y a pas compliqué. Que les prénoms, même les noms. Hein. Ah bah oui. Lequel est le prénom, lequel est le nom? Ah oui, il y a des fois où on a un peu de mal. Oui. On peut pas vraiment savoir. Mais par contre, Astonia, c'est facile. Voilà. On va écouter sa musique 3 minutes. Ouais. Alors, d'accord. Elle dure pas 3 minutes. Enfin, si, presque. Si. Mais ça peut être 3 minutes. Presque. Presque. On va écouter. Et vous êtes de retour sur Astonia. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Et vous êtes de retour sur Indestar avec les Peak Avengers. Oui, alors, ouais, chez. Là, qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre celui-là. Oui, j'y pète la vitrine. Ce n'est pas... Ça, je l'avoue, celle-là. Attends, ouais, voilà, le petit scratch. Ce n'est pas Indestar, c'est Indestar. Ah. In, dedans. Indestar. On m'aurait mal renseigné. Oui, il faut croire. Ah. Chez. Bon. Voilà, c'est tout je vais virer le détective privé qui m'a rencardé sur la radio. Ah. Et je vais pas le payer d'ailleurs hein, pour du boulot pareil. Antoine, t'es viré. Oh bah bonne soirée à tous hein. Tu devais t'y attendre. La semaine prochaine. Du coup, tu vas regarder Kuroko? Parce que je sais que t'étais pas très fan, tu me disais ça en antenne, les mangas de sport ça t'intéresse pas trop. Moi, bah, surtout basket, je suis pas fan du basket. Ouais. Mais enfin, depuis qu'il sait qu'il est pas obligé de faire le sport. Mais après, ça me fait penser un peu à lui. Ça rend Olive et Tom. Ça rend beaucoup plus réaliste aussi. Enfin, ouais, il y a des trucs, c'est pas très réaliste. Ouais, ça... C'est un manga aussi, hein. Faut pas déconner non plus. Ça fait penser à Olive et Tom. Mais au moins, le terrain fait pas 3 km. Ouais. Non, 42 km. Parce qu'au basket, il fait 42 km. Oui, un marathon. C'est vrai, ils ont fait un calcul, j'avais vu. Le ballon, il fait 42 km à chaque fois. Le ballon? Pas le ballon. Ah ouais, mais les joueurs aussi. Enfin, les joueurs. Le terrain. Ouais, mais tu sais quoi. Parce que pendant un match, ils tirent du goal à goal. Ouais. Et genre, t'as le ballon, genre, il fait 42 km comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas avec ça qu'ils ont calculé, mais c'est en gros, c'est avec le temps de course en fait. Ouais. Ils ont calculé la foulée et tout. Et... Ouais, les mecs, ils ont fait 42 km. Ouais, c'est pas possible. Ils font marathon. Mais bon, Olivier Tom, c'est connu pour ça. Ouais, voilà. C'est pas Olivier Tom qu'on va parler là. Bah, c'est rien du tout en fait. On va juste rappeler que. On va juste faire une relance d'émission. C'est rien du tout. Ouais, génial. Alors, relance d'émission, ouais. T'as l'air grave chaud là. Ouais. Alors, relance d'émission, ok. Ouais, on l'applaudit. Ouais. On encourage Teddy, ouais. Qu'est-ce que j'ai? Y'a pas écrit soldat Ryan là. Pourquoi pas? Alors, je peux en faire un. Ça doit durer combien de temps la relance? C'est 3 minutes, grosso modo. Le temps de relancer? Ouais, en fait, on dit des choses. Okay. Normalement, on tease la nouvelle heure. Lâche-moi là. Oh shit, touche pas à mes boutons. Et à chaque fois, la nouvelle heure, on arrive à la demi-heure. Ouais, c'est ça. Grosso modo, il devrait être 22h. Il est 22h30 quasiment. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez nous voir sur indestar.fr. Écoutez aussi sur tout. Écoutez sur indestar.fr. Nous voir, c'est sur live Twitch. Coucou. Voilà. On est beau là, en plus. Tu fais coucou à l'écran. Tu fais ouais, c'est vrai, je fais coucou à l'écran. Ouais. C'est normal, j'ai l'habitude en tant que star. De te voir. Oui. Comment ça? J'avais envie de parler. Au sein du Zouage, je suis une grande star. Non. Vous pouvez nous écouter en podcast aussi sur une vingtaine de sites de podcast. Plateforme, putain, j'ai toujours envie de dire site. Hein. Je sais pas pourquoi. Tu peux dire site. Aussi. Je peux dire. Ouais, mais non, ça fait bizarre. Ouais. Notamment... Ça fait Star Wars, les sites, les Jedi. Ouais. Puis site, ça fait démodé comme, comme mot. Je sais pas, j'aime pas. Bon. Vous pouvez nous écouter sur Deezer, surtout. Spotify et tout ça. Deezer, c'est un truc de podcast? Oui. Je l'ai sorti comme ça là. Deezer, iTunes, oui, Spotify, podcast. Bah, on est sur une vingtaine, donc en théorie, vous n'avez pas d'excuses pour pas nous réécouter. Vous êtes obligés de nous trouver. Voilà. Ouais. Alors, c'était bien comme relance? Ça va. Ouais. Ah si, il y a un truc à dire aussi, un truc qu'on dit pas souvent. Quoi? Merde. Alors ça, on le dit très souvent. Ouais. Ils peuvent nous appeler. Ouais. Vous pouvez nous appeler en fait, si vous avez envie. On le dit quand même. Ouais, on le dit. On peut nous appeler, mais ça va être compliqué. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, ah là, oui. Si y avait quelqu'un qui était en appel, on l'entendrait. Ah, bon, bah appelez-nous alors. Voilà. C'est quoi le numéro? Appelez-nous au 09 70 407 306. Voilà. Il est pile poil en face de nous. Nous, c'est facile. Non, ils connaissaient pas par cœur. C'est un numéro gratuit, un rappel, vous serez pas surtaxé, ne vous inquiétez pas. Et au pire, si vous avez pas envie d'appeler, bah passez carrément. Vous serez juste taxé, pas surtaxé. Hein. Ah mon dieu. Ah non, même pas taxé, pardon, j'ai raconté une bêtise, excusez-moi. On a de la bonne blague. Et on a aussi de la bonne musique. Transition. Ah, j'adore mes transitions magiques. Il faudrait faire un jiggle comme ça. Transition. Oh ouais. Comme ça, on aurait un bouton genre transition. Ça serait drôle en vrai. Ouais, totalement. Théo, si tu les écoutes. Un transition. On va mettre une musique. On va écouter Newman. C'est une cover de Jake Donaldson. Oui. Je l'ai bien dit en plus. Non, c'est une cover de... Ouais, ça y est, on meuble Ikea. Non, on meuble pas. Il y a effectivement un blanc, c'est parce que j'ai mal dit ma phrase. Ouais. En fait, la cover, ça veut dire que c'est une reprise. Donc Jake Donaldson l'a fait effectivement en reprise, mais j'ai pas dit de qui. Et c'est Newman, c'est une c'est Ed Sheeran. On connaît le roux britannique. Le roux britannique. Ouais. Que tout le monde adore, évidemment. Et oui. Il fait de bonne musique. Tu l'aimes bien, Gaël, hein ? Je suis pas fan. T'es pas fan ? Ouais. Oh, moi, j'aime bien. Bah, on va écouter un peu. Ça, t'es pas fan. Il y a des pour toi, Irlandais. Il est pas Irlandais, tu vois. Non. C'est comme Katy Perry, ça s'écoute. De tous les cas, peut-être que tu vas aimer celle de Jake Donaldson. On va voir. Jusqu'à 23h. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Exactement. On vient d'écouter la reprise d'Ed Sheeran faite par Jake Donaldson. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi ? Ça va. Ouais. T'en as écouté un petit bout ? Ouais. Ça va, j'ai pas d'avis en fait. Ça va, non. Aucun impact. Zéro. De toute façon, c'est une musique, c'est pas un film. Qu'est-ce qu'on a à foutre ? Ouais. La musique construirait pas telle l'ambiance du film. Effectivement, c'est une part très importante des films. Eh oui, c'est une part importante. Il y a peut-être de la musique dans le film que tu vas nous présenter. J'ai pas spécialement parlé de la musique. D'accord. Non, mais juste avant, je vais vous poser une question, comme vous pouvez avoir tendance à le faire de plus en plus, c'est savoir qu'est-ce que vous faites, pour résumer, à Noël. Ah. Vas-y, Jolan, commence. Oula. Voilà. Je le passe en famille, moi, tout régulièrement. Voilà. Réveillon, puis okay. Noël aussi. Je le passe dans ma boulangerie. C'est vrai ? Tu fais tes... Je travaille. Je le fais même pas en famille, moi, rien à foutre. Rien à battre. Toi, Antoine. Antoine ? Moi, le 24, je travaille. Le 24 au soir, il n'y a personne qui m'a invité de ma famille. Donc, en gros, je suis isolé. Alors, lui, c'est différent. Tout seul. Moi, j'ai été invité, tu vois. C'est le vilain petit canard. Ouais, c'est ça. Lui, il a même pas été invité. Donc, qu'est-ce qu'on va te dire ? Bah tiens, c'est ça ce qu'a dit ta famille. Crève, vache folle. Ouais, c'est limite ça, ouais. Ouais, c'est ça. Y'a personne qui m'a invité. Oh, dur. Et alors toi ? Je bouffe et je tisane. Tisane ? Tisane. Je bois quoi ? Il picole, tu tises. L'agneau. Oui, l'agneau. Je tisane. Et toi, Galen, tu fais quoi ? Bah, je passe aussi en famille, on passe un bon moment. D'accord. Mais par contre... Et tout ça, tout est lié à ton film. Non, ouais, je vous demande ce que vous faites parce que bon, bah, c'est un peu minable comparé à ce que fait notre personnage John McClane dans le film Piège de cristal, qui lui s'attaque à une bande de terroristes. Ah. À Noël ? À Noël ! À Noël ! Mais genre, mais le mec ! Il a pas de bol, hein. Genre, il y a Noël. Ouais, pas de bol, je sais pas. Il fait exprès de s'attaquer au moment non, de Noël. Non, c'est que. Circonstance fait que. Circonstance, coïncidence. Oui. Je ne sais pas. D'accord. Donc, je vais vous parler du film Piège de cristal, qui est un film réalisé par John McTiernan. Est-ce que je peux dire un détail ? Non. Oui. Est-ce que. parce que je peux. Tu en parles du 1, mais dans le 2 aussi, ça se passe à Noël. C'est pas ça ? Oh l'enfoiré ! À Noël. C'est vrai. Je crois que, si, le 2, je crois que ça se passe à Noël. C'est vrai, il est à Noël aussi. Il est à Noël, dans l'aéroport. Ça se passe à Noël. Alors, c'est un film de John McTiernan qui sort en 88. C'est un film magnifique thriller qui dure 2h12. Donc c'est produit par la Fox. John McTiernan, bah, vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait à la poursuite d'Octobre Rouge, on peut voir Sean Connery. Il réalise Last Action Hero avec Arnold Schwarzenegger qui brise le quatrième mur et qui est très métaphysique. Il réalise évidemment Die Hard 3, Une journée en enfer, où Bruce Willis est aux côtés de Samuel Jackson. Ouais. Mmh. Et bien évidemment, il réalise Le 13ème guerrier avec Antonio Banderas, qui pour le coup est un film qui en a chié. Je sais même pas, tu vois. On sent tout de suite que tu aimes bien Antonio Banderas. Ah oui, non, mais je veux dire en termes de production, tout ça, le film en a chié. Moi, je suis pas un grand fan non plus d'Antonio Banderas. Ah, j'ai compris une autre phrase, le film était à chier. Non, le film en a chié. Ah, d'accord, voilà. Ok. Donc on a une belle branchette d'acteurs. Pour commencer, on a Bruce Willis qui interprète John McClane. Donc c'est un film où Bruce Willis a encore des cheveux. Oui, c'est ça. Voilà. Il a une période où il avait des cheveux. Oui. Oui. J'ai toujours connu son cheveu, moi. Ouais, c'est clair. On connaît son cheveu. Et c'était pas une perruque, hein. Ouais. Donc vous l'avez peut-être vu dans Incassable de Shyamalan ou Pulp Fiction de Tarantino. Ouais, Bruce Willis, ouais. Ensuite, pour le grand protagoniste de l'histoire, nous avons Alan Rickman qui interprète Hans Gruber. On le voit dans Love Actually ou dans Harry Potter. Oh. Il joue Severus Rogue. Oh. Voilà. Et c'est son premier rôle au cinéma. Il est mort. Ah ouais. Oui, c'est son premier rôle au cinéma. Paix à son âme. Et oui, dans le film, c'est son. Mais c'est pas Alan Rickman. Alan Rickman, comme je. Ah, Alan. Alan. Ah ouais, je l'appelais Alain. Moi. Non. Prononce à la française. Alain. Mais oui, oui, il est. Ouais, il est mort. Et encore un dernier rôle qui est interprété par Reginald Val Johnson, qui interprète le sergent Al Powell, qui va être en lien avec Bruce Willis durant tout le film. D'accord. Voilà. Donc ambiance. 24 décembre 1987. John McClane, policier à New York, rejoint sa femme à Los Angeles, au siège de l'imposante société japonaise où elle mène une brillante carrière. Alors que se déroule la petite fête de fin d'année, une douzaine d'hommes surarmés et très sûrs d'eux investissent l'immeuble, coupent tout moyen de communication avec l'extérieur et mettent en joue les employés après avoir abattu le patron qui leur avait refusé l'accès au coffre. McClane, qui s'est caché à temps, n'est pas décidé à se laisser faire. Ses adversaires ne vont pas tarder à s'en apercevoir. Habilement, il cherche d'une part à renseigner la police sur l'identité et le nombre des assaillants, d'autre part à les éliminer un par un en les isolant au groupe. On dirait la tour Montparnasse. Ça peut être inspiré. Au début, c'est... Ça peut être inspiré, ouais. Mais d'accord. Donc voilà, dans la famille film d'action, j'appelle. Du coup, il y a sa femme dans les otages. Ouais, il y a sa femme. Ouais, c'est pour ça. Il s'est couillé un peu sur la table, le mec, en gros, dans le film. En fait, c'est qu'il a eu le temps, lui, durant que. En fait, quand les terroristes arrivent, ou les méchants, on va dire les méchants, lui, en fait, il est dans une salle de bain à part, où il reprend son souffle après l'avion. D'accord. Voilà. Il se détend, en fait, il est pieds nus, et dans la salle de bain, en fait, il ouvre et il ferme les orteils, tu sais. Oui. Est-ce que t'arrives à viser? Ouais, je vois. Il se recroqueville. Il essaye de se détendre. Mmh. D'accord. Voilà. Et en fait, on nous montre ses pieds nus parce que dans la suite du film, bah, il va être pieds nus tout le temps. Ah. Donc, s'il y a du verre cassé, voilà. Il va le sentir. Voilà. Donc, dans la famille de films d'action, bah, j'appelle le père, ou devrais-je dire Piège de cristal, le film devenu incontournable dans le cinéma hollywoodien parce que ça a redéfini le genre. C'est un film qui est très très bien écrit parce que déjà on sait où est chaque personnage durant toute l'intrigue. C'est-à-dire ouais, donc il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de. Non, on arrive à bien suivre l'action. L'action est lisible par le fait que on te présente un personnage, on sait où il va être dans l'immeuble. Ah, ok. Tu vois tout, grosso modo. Voilà. Tu sais. Tu n'es pas perdu de la place des personnages. D'accord. Dans l'action. Effectivement, pour un thriller. Ouais, donc c'est plutôt cool. Donc c'est pour ça que je trouve très très bien écrit. D'accord. Voilà. Et t'as pas vu beaucoup des thrillers comme ça? Non, vraiment celui-là m'a marqué pour le coup. Mais du coup, je pense que je vais te le prendre le film pour regarder. Voilà. Je vais te le prendre. Alors je te l'achète, vas-y. Je te le passe tout à l'heure si tu veux. Y'a pas de soucis. Ouais. Donc voilà, je vais vous raconter une petite chose à savoir sur le film, bien évidemment. Donc pour tout film, si le rôle colle à la peau de Bruce Willis, d'autres acteurs ont toutefois été pressentis pour incarner le policier new-yorkais. Mmh. Ainsi, McClane aurait pu être joué par Schwarzenegger, Harrison Ford, Richard Gere, Sylvester Stallone, Mel Gibson ou même Burt Reynolds. Je parie qu'Harrison Ford était trop cher. Harrison Ford 88, il était déjà pris pour un autre Indiana Jones. Ah oui, ouais. En fait, la plupart des acteurs étaient déjà pris pour d'autres rôles. C'est pour ça qu'ils ont dû décliner. Si tu veux, même Harrison Ford en 82, déjà qui joue dans Blade Runner, il était entre Star Wars et Indiana Jones. Ah oui, ouais, il était pris. Wow, jamais 203. Voilà. Eh non. Ma foi. Voilà. Donc l'action se déroule principalement dans cet immeuble qui s'appelle le Nakatomi Plaza, qui est en fait l'immeuble qui se nomme la Fox Plaza. Mm. C'est dans cet immeuble qu'on retrouve notamment les bureaux de la Century Fox. Ah ouais, donc... Ouais, excellent. Donc la maison de production, c'est donc auto-facturé la location de ces locaux. Ah, le délire. Ils ont vraiment... Voilà, et en fait, dans l'immeuble, l'immeuble est en travaux. C'est pas parce qu'ils n'ont pas terminé leurs locaux. Ah, d'accord. Et si, c'est marrant. Ouais. Ouais, enfin, c'est un peu con de s'auto-facturer, enfin... Ils sont pas obligés de se. Enfin... Ah, et du coup, ils se payent pas. Mmh. On est d'accord. Ouais, ils gagnent. Ouais. Ils font un chèque à eux-mêmes si tu veux imager la transaction. Moi, j'imagine le. Bah, je fais pas de chèque du coup. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Plus qu'on ne le croit, ce genre de choses que des entreprises. D'un côté, c'est bien. D'un côté, c'est bien parce que ça fait des économies d'argent pour une production comme ça. J'imagine. Donc, l'arme qu'utilise Bruce Willis lors Lors de la scène où McLean, camouflé sous une table de conférence, élimite une des brutes à la solde d'Hans Gruber, était trop près de sa tête. Donc les détonations causaient d'importants dommages auditifs à son oreille gauche. Oh merde. Donc c'est toujours le cas, il est sourd de l'oreille gauche. Ah, c'est pas sourd complètement, mais... Il a un problème d'audition à cause de ce film-là, du coup. À cause de ce film-là, donc tout peut arriver sur les plateaux. Bah, je savais pas. Je croyais pas qu'il y avait des détonations aussi fortes. Quand... Ouais, non, mais ça peut arriver. Ce qui tire à blanc, en fait. Ouais, mais n'empêche que le bruit... Ça fait du bruit quand même. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, si le titre en version française est Piège de cristal, un choix de traduction également retenu par les Polonais, on se demande tout de même comment les Espagnols sont arrivés à Jengla de cristal, jungle de cristal. What the fuck? Ils se sont dit peut-être que chez les Japonais, il y a beaucoup de... Le titre hongrois qui se traduirait par donner sa vie chère, et lui aussi assez particulier. Tu peux me le dire en hongrois? Non. Non, parce que je ne sais pas déjà prononcer du hongrois. C'est en cyrillique, ça, non? Je ne sais pas. Hein? Non, non, c'est pas marqué, c'est le pas même marqué alphabet latin, le hongrois. Oui, oui. Ouais. Voilà. Il y a peut-être une ou deux lettres en plus, un ou deux caractères, on va dire. Mais... Bon, c'est pas ma spécialité. Voilà, alors pour ceux d'entre nous qui aiment la lecture, Die Hard s'inspire en fait du roman Nothing Lasts Forever, publié en 79, écrit par Roderick Thorpe. Mm-hmm. Voilà. Donc pour ceux qui sont amateurs de lecture, qui aiment lire. Amateurs de lecture ? Hein ? Bon, moi j'y allais, salut. Moi si, mais en lecture, je suis amateur de manga. Oui, moi aussi, pareil. Je lis beaucoup. Je vois de bonnes critiques sur. Mais pas tout et n'importe quoi. Si on peut faire des big up à Megan aussi, qui nous écoute peut-être. Elle est amatrice de lecture et elle nous présentera sans doute un livre un jour ou l'autre. Je ne vous dis pas quand. Sinon, ce serait du spoil. Voilà, donc très bonne critique, très bonne note sur Allociné, 4,2. Et c'est un des films qui est le mieux noté sur IMDb parce qu'il a 8,2 sur 10. C'est pas mal. Voilà, et on retiendra surtout une des répliques, même deux, mais la principale, c'est qu'à un moment donné, McLean et Hans Gruber communiquent avec le talkie-walkie. Ouais. Et il l'envoie chier et il va dire Yippie-kai, pauvre con. Yippie-kai. À un moment, il va réussir aussi, ça c'est pour la deuxième réplique culte, il va réussir à avoir la ligne des urgences grâce à son talkie-walkie. En changeant les fréquences, ce genre de truc. Voilà, et il y a une dame qui arrive à avoir la fréquence, elle dit attention, cette ligne est exclusivement réservée aux urgences. Et lui, il rétorque, sans blague, tu crois que j'appelle pour commander une pizza? Voilà. Excellent. Donc c'est aussi assez comique d'un côté. La réplique Yippie-kai pauvre con, d'ailleurs, on l'entend dans d'autres Die Hard, dans d'autres. Évidemment, parce que en fait, dire qu'elle est devenue tellement culte en fait. Dans le 3, si tu veux, c'est une revanche de la part du cousin ou du frère de Hans Gruber. C'est le frère. Du frère. D'accord. C'est le frère. Voilà. Ah ouais. Oh, c'est cool. C'est J'aime un bien. Très bon film, on passe un très bon moment devant. Et voilà, c'était le premier film où il y a le thème de Noël. Quand même à côté. Mmh. Ils ont réussi à mettre Noël terroriste ensemble. Voilà. J'avoue là. C'est pareil pour le premier Arme Fatale. Si tu veux, il y a Noël en même temps. Mais c'est vraiment secondaire. D'accord. D'accord, c'est cool. Voilà. Je suis sûr que c'est un film qu'on pourrait regarder devant la télé. Oui, évidemment. Non, on va pas le regarder devant la télé. Mais je veux dire, on peut le regarder tous ensemble. Ouais. Ouais, parce qu'on va le regarder devant la télé. Hein. Ouais, de toute façon, il y a de grandes chances. Ça, il y a de grandes chances. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a un épisode de Friends où il parle du film. Et il y a Ross, Joey et Chandler, ils sont devant le film, ils viennent de le terminer, ils font « Bon, on se le remet ?» Ils font « Ouais !» Et moi, ça me fait... Ça t'est déjà arrivé de regarder un film et de le remettre tout de suite après ? Tout de suite après, ouais, c'est déjà arrivé, mais pas pour celui-là. Ouais. T'as regardé quoi comme ça ? Les Bronzés. Ah ouais, quand même ? Pourquoi t'as fait ça ? Il y avait ça et il y a Eternal Sunshine aussi. Ah, celle-là, je connais pas. Avec Jim Carrey. D'accord. Ah ouais. Et vous, ça vous est déjà arrivé de regarder un film deux fois d'affilée comme ça ? Deux fois d'affilée, moi ça m'est arrivé de regarder une fois un film et une autre fois, et genre une semaine après, je regardais parce que j'avais pas compris le film. C'était quel film ? Alors ça, c'est autre chose. Inception. Je sais plus. Non, c'est même déjà arrivé de regarder un film qu'on m'a dit t'inquiète pas, il est bien. Je l'ai regardé, j'avais rien compris. C'est L'Armée des 12 singes. Ah, oh, mais c'est génial. Mais c'est que ce t'as film. Pas vu les 12 singes, c'est pour ça. Ah ouais, c'est pas là, c'est que je l'ai hardé, mais j'avais quoi. Je vais avoir. Non, mais faut apprécier déjà l'univers de Terry Gilliam et les Monty Python. Bah, y a pas les Monty Python. Mais là, tu pourrais m'expliquer ce que c'est parce que j'ai rien compris. C'est un peu alors, du humoriste. Pour t'expliquer, c'est des scientifiques qui envoient un homme dans le passé pour découvrir le virus qui les a attaqués et qui a décimé la moitié de la population. D'accord. Ça voilà, va bien se passer, en fait, Antoine. Puisqu'il y a une histoire de voyage dans le temps, la première fois qu'on le regarde, c'est un peu flou. C'est un peu flou, ouais. D'accord. Ah, j'avais 12 ans, quoi. Donc ouais, je ah, je connais un truc qui est pas flou. Je suis tombé comme ça par hasard, il passait à la télé et j'étais pris dedans. En fait, moi, j'ai donc t'as Bruce Willis et Brad Pitt. Moi, en fait, pour moi, ça ressemblait à la planète des singes parce que je me suis l'armée des singes. Pas du tout. Ouais, des singes qui m'ont attaqué. Non, mais attends, c'est pas parce qu'un film a des singes que c'est la planète des singes. Regarde, nous on a bien notre singe à Peck Avenger, on n'est pas la planète des singes. Voilà, ça c'est fait. Il y a marqué l'armée des singes, je fais ouais, c'est des singes qui m'ont attaqué les pays. En fait, non, pas du tout. Tu crois qu'à 12 singes on attaque un pays? Non, mais tu sais, j'entends une guerre, toi, une guerre des singes. Bah, pas avec 12 singes! Bah, et là, les tortues ninja, ils sont bien à ça, ils arrivent à faire des trucs de ouf! Mais faut pas une guerre! Mais même, ils arrivent à faire des trucs de ouf! Bon, ils font du skate et manger des pizzas, hein! Voilà. Ils font que des trucs de ouf! Ils font des trucs normaux aussi! Et ils rappent aussi! Ouais, ouais, voilà, voilà, les singes, ils auraient fait du skate et mangé des pizzas, voilà, ils auraient compris le film! Voilà! Par contre, voilà. Par contre, je connais une artiste qui fait des trucs de ouf! Ah! Je sais pas si tu la connais, c'est Lindsay Sterling. Ouais. Elle fait des putains de musique au violon. Aïe, aïe, aïe. Ça envoie du lourd. Elle danse, elle chante et elle joue du violon en même temps. Elle est franchement mignonne en vrai. Hein. Oui aussi, elle est plus de notre âge. Oui, pas trop. Oh. C'est pas grave, eh. Non, non, arrête, je dis qu'elle est mignonne, toi tu l'assassines. Non, mais... non, mais en vrai je l'adore. Moi. Ouais, rattrape-toi. Non, c'est vrai, je kiffe tout ce qu'elle fait. On va écouter Artemis. Ouais. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Effectivement, les PK Avengers, le jeudi de 21h à 23h. Nous sommes là, alors pas totalement en forme pour le coup. On est en phase descendante là. Mais on va relancer tout ça parce que c'est bientôt la fin déjà. Donc on est tous contents. Ouais, c'est la joie. Ouais, youpi, c'est la quille bientôt. Youpi Kai, exactement. Et surtout, on va parler d'un truc assez intéressant. Là, on va pas faire la partie actu comme d'habitude. C'est une actu en soi, en fait. Bah, ouais. L'équipe PK Avenger va participer à un événement. On va faire une spéciale, une émission spéciale en janvier, si je me trompe pas. Ouais. À moins que c'est en février. Non, dans le 19 janvier. Voilà, c'était. Un dimanche. Je cherche la date. Parce que j'ai une belle affiche en face de moi. 19 janvier 2020. 19 janvier, là, voilà. De 10h à 18h. Il y a un événement à Nazelles-les-Grands, donc c'est en Indre-et-Loire, à côté d'Amboise. Le Culture Day vidéo, jeu vidéo. Donc. C'est un peu pour ça que t'es là, Daniel, entre guillemets. Oui, on m'a dit de passer, il y aurait de la lumière que je pourrais rentrer. Alors, si t'as vu de la lumière, c'est le mardi qu'il faut passer. Dans l'émission, j'ai vu de la lumière de Clément de 21h à 23h. Voilà, petit placement, Clément, si tu nous écoutes, petit bisou. Très bonne autopromotion, d'ailleurs. Oui, ouais. Bah, j'ai vu de la lumière, c'est son émission. Mais là, t'as pas vu que de la lumière, t'as vu aussi que ça parlait de jeux vidéo et tout ça. Oui, alors c'est une journée qui va être organisée pour la deuxième année consécutive, c'est donc la deuxième édition, ouais. Je sais compter normalement, ça doit être bon, oui. qui aura lieu, à Nazelles-les-Grands, au foyer socio-culturel. Alors j'en profite pour dire que cette manifestation a le soutien de la commune de Nazelles-les-Grands. Oui. En fait, l'an dernier, au début, on les avait oubliés, nous l'avait dit, alors maintenant à chaque fois, je pense à le dire. Je précise que c'est en région centre... Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément où c'est. Donc. Ouais, à côté d'Amboise. Ouais. Alors en général, je me suis aperçu, quand on parle d'Amboise, les gens connaissent parce qu'ils connaissent très bien le château d'Amboise. C'est ça, c'est très touristique Amboise, donc c'est assez connu, notamment des étrangers. Il y a Mike Jagger qui habite ici. Ouais. Ouais, qui est encore plus connu que le château d'Amboise, d'ailleurs. Ouais. Sauf que lui, on ne sait pas où il est quand tu n'es pas du coin. Si, je sais. Ouais, quand on n'est pas du coin. Ouais, sur Google Maps, je ne trouve pas. Il a un château, mais c'est aussi d'Amboise. Alors, sur cette journée... Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer. Oh putain, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Alors, on va reprendre une partie des activités qu'il y avait l'an dernier, des consoles de première génération. Du rétro gaming, ouais. Du rétro gaming, qui partent du jeu de Pong. Oh. On va avoir cette année, parce que l'an dernier, la console était en panne, on aura même Pac-Man. Ah. J'ai réussi à réparer la console. Sur arcade ou... Sur arcade, ouais. Non, pas sur bande d'arcade. Ah. Alors, on n'aura pas de nouvelle bande d'arcade, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en fabriquer d'autres. D'accord. Mais il y en a. Et il y a toujours les 6 de l'an dernier. Ah. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, Il faut savoir que pour des questions de coût, on a fabriqué nous-mêmes toutes les bandes d'arcade. Bah, c'est déjà pas mal, hein. De la menuiserie à l'intégration. Question de coût ou pas, question de talent surtout. Oui, aussi. Voilà. Ça, et surtout, on a tenu une chose. Alors, il y a beaucoup de gens maintenant qui font des bandes d'arcade, mais modernes avec. Des moyens technologiques de maintenant. Oui, qu'il n'y avait pas à l'époque, j'ai envie de dire. Je m'excuse, j'ai un trou de mémoire sur le nom, mais nous, on a recherché des cartes électroniques d'époque. D'accord. Alors. La seule concession qu'on a dû faire, c'est mettre des écrans plats, parce que mettre des écrans en tube cathodique, on a quand même des vieilles télé, donc ouais. Comme le jeu de pompe ou des consoles de première génération. C'est pas des bornes d'arcade, du coup, j'ai... Si, si, ce sont des bornes d'arcade. Mais du coup, dedans, il y a une télé à écran plat, c'est ça? C'est un écran plat, ah, oui. Du tube cathodique. Ah, mais du coup, la résolution doit être géniale. Elle est meilleure, mais on a quand même je dirais la qualité de cette époque, parce que ce sont des cartes vidéo. De cette époque. Et pour la nostalgie. Voilà, avec le tuner et non la sortie vidéo classique. D'accord. Qu'on appelle le RGB, donc rouge, D'accord. Red, green, blue, donc rouge, vert, bleu. Donc on a 6 bornes netcad, on a d'autres jeux de rétro gaming, ouais. On a des consoles récentes, j'imagine. Il y a des consoles récentes, donc il y en aura à disposition. Ouais. Il y aura aussi des PC avec des jeux, on va dire, des années 2000. Ah, du jeu ouais. Peut-être des exemples Non, ils ne sont pas encore installés, donc j'attends. Là. D'accord. Là, les PC, on vient de les remettre en état, alors c'est toujours pareil, c'est du matériel qu'on récupère parce que les moyens financiers sont... Quand vous dites « on », vous parlez de vous et de alors, votre fils, toi et de ton fils, pardon. Oui, en fait, c'est un de mes fils qui est à l'origine de cette manifestation. Là, actuellement, il n'est pas là parce qu'il prend des cours dans une autre région pour devenir dessinateur d'art. Mm-hmm. Bon, ce n'est pas du jeu vidéo, mais... Oh, ça peut y toucher, il y a des graphistes. Ça peut y toucher, oui, oui. Ouais. Et donc, bah, je m'en occupe plus particulièrement, mais il y a aussi des amis à mes fils qui sont dans le coup. Alors, pour citer les principaux, donc, il y a Mathis, Pierrick, Kevin, donc Dimitri... il y en a quelques autres qui se rajoutent. D'accord. On les connaît pas forcément. J'imagine que c'est des amis de votre fils. En fait, c'est une petite communauté de joueurs en fait, qui a décidé de créer leur propre événement de gaming. À l'origine, ils voulaient juste organiser un tournoi. Ah. Et finalement, c'est parti d'un tournoi à organiser une journée dédiée aux jeux vidéo. Bah, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Ouais. Ouais. Alors, c'est une bonne idée. Ouais. Cette année, on a juste un petit problème. C'est que l'an dernier, on avait un professionnel de la réalité virtuelle. Malheureusement... Ah. Il n'existe plus et pour l'instant on ne peut pas garantir la présence de la réalité virtuelle. Alors je lance un appel, si un particulier, un professionnel veut nous aider à de la VR, il sera le bienvenu. C'est le moment de montrer son bateau, j'ai envie de dire, et de faire. Aussi, et de partager sa passion. Bah ouais. Pour le jeu vidéo, parce que comme je dis toujours, le jeu vidéo, pour certaines personnes, c'est. Ce sont des bourrins qui tapotent bêtement sur des touches, en fin de compte. Pour d'autres, c'est même des trucs qui servent à rien. Oui, et en fin de compte, pour cette année... C'est une activité comme une autre. Oui, qui fait quand même appel à un certain nombre de capacités. Ça se démocratise de plus en plus, hein, le jeu vidéo. Oui, C'est plus aussi mal vu qu'avant. Quand même. C'est une autre mentalité maintenant. C'était très très mal vu. Ouais. Puis maintenant, on a le e-sport même. Oui, oui. Ouais. Ça, on pourra en parler sur une autre émission aussi, avec peut-être le seul Amboisien que je connais, professionnel du e-sport. Ah. On pourra venir avec lui. Il s'appelle comment ? Son pseudo. Son pseudo, pour l'instant, c'est Grimjo du 37. Grimjo. Oui. Ouais. Alors, il est toujours à la recherche de sponsors, c'est très difficile quand vous n'êtes pas sur une ville comme Paris. C'est très difficile. Il va se faire sponsoriser par le Vouvray. Il aura des sponsors bizarres quand il sera en compétition. Il est dans quelle catégorie dans l'e-sport ? FIFA. Ok. FIFA. Donc, FIFA. En Boise, nous avons un joueur pro de FIFA. Voilà. Et qui a du mal à percer. Vous pourrez d'ailleurs le rencontrer ce jour-là. Qui essaie de devenir pro, pour le coup. Qui essaye, d'obtenir un contrat. On veut des sponsors, et si au pire vous voulez le défier aussi. Oui, alors l'an dernier, justement, il était présent à la première édition. Il a fait un tournoi FIFA, du coup. Il y a eu leur tournoi d'organiser. Alors lui n'a pas participé parce qu'évidemment ça aurait été de la triche. Par contre, le vainqueur du tournoi a pu l'affronter et là il a vu la différence entre un amateur et quelqu'un de niveau professionnel. Oui, tu m'avais dit il a mis 10-1. Oui, alors. Ah oui, quand même. Oui, alors. Ça pique, hein. Au début, il a joué au niveau du vainqueur du tournoi. Et le vainqueur du tournoi a mis le premier but et surtout, c'était logique, a exulté. Oui. Et là, j'étais dans la salle, j'ai vu la tête de Grimjaw, j'ai dit là, l'autre il prend une douille. Et il a pris une douille de 10-1. Ouais, ça fait mal. Ouais. Je précise aussi, Grimjaw, c'est une petite référence à Bleach, si je me trompe pas. Oui, c'est exact, ouais. C'est pas Manga, par hasard. Ouais. C'est par rapport au personnage de Bleach qu'il aime bien. Il a des bonnes qualités du coup, s'il aime bien Bleach. Voilà. Alors sur cette journée aussi, il y aura deux tournois d'organiser. Ouais. Just Dance. Ouais. Alors, c'est cool. Pour l'instant, j'attends, mais normalement, on doit voir le nom de quelqu'un relativement connu dans le domaine. Mm-hmm. Mais j'attends pas confirmation sûr. De sa présence. D'accord. C'est impressionnant. J'ai vu des compétitions de Just Dance à la Paris Games Week en direct sur Internet. Ouais. Ils sont balèzes. Hein. Oui, justement. Ouais. Respect hein, pour les gens qui font ça parce que c'est sportif. Ouais. Hein. Ce sont de vraies performances sportives en effet. On s'en rend pas compte comme ça à l'écran, mais c'est super sportif. Alors le choix en effet n'est pas innocent parce que c'est aussi pour montrer que le jeu vidéo c'était pas, comme je disais, une activité d'abruti. Bah ça fait vraiment appel à. Justin, j'avais essayé ça chez toi, Johan. Une fois sur la Xbox. Oh, t'as Just Dance ? J'avais une fait, ouais, sur la Kinect. D'accord. Franchement, alors, c'est sportif. Hein. Ah, j'ai transpiré. Hein. Le SVA va participer au tournoi Just Dance avec notre challenger, Jolan. Oula. Je plaisante. Non. Entraîne-toi et on t'inscrit. Allez. Ouais, non. si. Smash Bros, pourquoi pas, mais. Pour le. Ouais. Ah, j'allais y venir. Ah, bah, la transition. Voilà. Pour l'autre tournoi. Là, vraiment, on a vraiment un challenger pour le coup qui se représentera à la radio. Ouais. Enfin, et plus précisément notre émission PK Avenger. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Oui, qu'on recevra avec plaisir. Bah, d'ailleurs. Clément, justement, du mardi. Enfin, celui qui fait J'ai vu de la lumière le mardi. Il pourra rentrer chez nous, même sans lumière, il n'y a pas de problème. On verra bien s'il rentre sans lumière ou pas. Hein. Mais justement, il va participer au tournoi Super Smash parce qu'il a l'habitude d'en faire dans la France généralement. Ouais. Je sais pas s'il est bon ou mauvais. Hein. J'arrive pas à identifier. Doit pas être trop mauvais. Bah, l'assassine pas hein, s'il fait des tournois. S'il ouais, fait voilà. des tournois. Mais après, on a tous le droit de dire je fais des tournois à être mauvais. Oui, non, oui, oui, voilà. Il est fait à la buvette, dans la console. Voilà, ça, au lever de coude, c'est le meilleur. Au lever de coude. Pourtant, dans la région, il y a de la concurrence hein, sur le lever de coude. Ah oui. Je comprends. Alors, c'est pas pour ça qu'il est connu, c'est pour, pour sa gentillesse et pour son. Son what the fuck de son émission. Enfin bref. Du coup, il va participer au tournoi. Ouais. Ça sera notre challenger. Donc, s'il y en a qui veulent le défier, pas de problème. Et puis, on verra déjà ce que ça donne pendant le tournoi. Mais voilà, on va y participer en tout cas. Eh bien, on attend avec plaisir Clément. Terreur de Clément Indestar. C'est ça. Je l'ai bien dit. Et Indestar aussi sera présente d'ailleurs. Oui. Parce qu'il n'y aura pas que Clément, que Indestar sera présente à cet événement. On va faire un live vidéo, je pense. Un peu comme on a fait sur Manga sur Loire, si vous avez suivi. Il y a toujours le podcast de disponible. Il fait 3 heures, je crois. Ouais, à peu près, 3 heures. Ouais. Je crois qu'il fait 3 heures. On va faire un live prévu, vidéo. On a discuté. Oui, c'est prévu. Et il faut, de toute façon. Oui. On est tous d'Amboise. Alors, autant bon faire. On va faire des. De faire ce qu'il faut sur la région. Oui. On va faire des animations, on va faire des petites interviews. Il y aura des jeux aussi qu'on va préparer, notamment des blind tests. Voilà, il y aura aussi des expositions de autour de Mario Kart, de reproduction de cartes, enfin, de création d'objets en trois dimensions. Il y aura le kart de Mario, il y aura la banane. Ils sont faits en quoi ? En vrai ? Non, ça ce sont pour l'instant des secrets de fabrication, ils sont pas donnés. Ah non, je voulais dire, ils sont faits en matière, genre ils sont faits en vrai fer et tout ça, ou c'est juste, ils ont fait en carton pour, donner l'impression qu'ils sont vrais Non, c'est donné... Ils essaient de donner le... C'est fait en trois dimensions, avec des matériaux... X ou Y. Pas révéler. Et donc ça sera disponible, alors... Pour donner une idée, donc le kart de Mario, par exemple, fait une longueur d'une trentaine de centimètres. Et il y a déjà prévu une vingtaine d'objets. On peut mettre un petit enfant dedans. Tout petit. Un bébé. On pourra prendre des photos avec les bébés. Bah, un bébé dans un bébé carte, ça ira très bien. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est cool. Il y aura des objets qui seront animés de manière lumineuse, comme les boîtes à objets, l'étoile aussi qui sera clignotante. D'accord. Il y aura, je vous l'ai amené à la radio pour que vous puissiez je sais ce que vous le tester, un Tetris fabriqué en 3 dimensions avec le plateau, largeur 10 cases, hauteur 22 cases, avec des éléments, la barre, le i, le j, etc. Et j'imagine qu'il y aura un gars derrière qui enverra les petites pièces au hasard et l'autre il devra essayer de faire ses lignes. On va essayer de pas assommer les concurrents. Non, je parlais pas de les jeter, mais genre il les pose dessus et ça glisse. Hop. Non, il faut. C'est pour montrer quand même l'intérêt du jeu vidéo aux gens qui ont du mal à y croire, de montrer que il y a des jeux de logique. Il y a des choses logiques. Des jeux de rapidité, des jeux de réflexion. C'est bien comme événement de faire jeu d'éveil. Prendre conscience aux gens que Le mot est bien dit. Tetris est présenté dans ce cas-là comme un jeu d'éveil. Et peut être, c'est très bien comparé. Puis on a tous grandi avec du Tetris. Oui, toujours. Notre cher Théo ne dira pas le contraire. C'est de son époque. Un petit coup de vieux. C'est un grand fan de Tetris. Oui, Théo. Mais nous aussi, on est fan de Tetris dans Peck Avenger. La Game Boy. La Game Boy. Moi, j'y ai joué sur la Game Boy Color. J'y ai passé des heures. On a tous la cartouche Tetris. Alors, en parlant de Tetris, justement, je lance un appel. C'est sur la première Game Boy, là, celle en noir. Ouais. Est-ce que quelqu'un a atteint les 200 lignes? Ah, à voir. Pas sur la color, sur celle en monochrome. Oh, mais c'est la même carte. Non, c'est pas la même carte. On peut pas mettre la cartouche color sur la première génération de Game Boy. Ah, d'accord. C'est un autre format. Moi, j'ai un doute. Pourtant, mon frère, il avait une Game Boy en noir et blanc. Ouais. Et on pouvait mettre les jeux de la color dessus. Elle était rouge, mais je sais plus Oui, mais dans ce cas, on ne le voit pas en couleur. Bah non. Non. Ah non, on ne voyait pas en couleur pour le coup. Oui, c'est ce que je veux dire, on ne voit pas en couleur. Oui, mais ça marche quand même. Oui, ça marche quand même, pardon. Mais du coup, oui, il faut juste jeter Tetris en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah oui. Alors, si quelqu'un a atteint les 200 lignes, voire dépassé, je serais curieux de le savoir. Bah, ça peut être intéressant à voir, et puis. Je sais pas, Théo il a le jeu Tetris, on peut peut-être essayer de s'entraîner d'ici là. Alors je précise bien, sur le premier modèle, pas sur le modèle color. D'accord. Pas le jeu qui est sorti après. Voilà, qui a été remasterisé le premier. Couleur, okay. Voilà. Vraiment sur le premier. Ok. Parce que les vitesses de descente ne sont pas du tout les mêmes. Je savais pas. Et sur le color, on peut aller au-dessus de 200. D'accord. Je sais pas. Je sais même pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fini. Non, c'est pas Tetris. Non, j'ai jamais réussi. Je sais plus. Il y avait quelqu'un qui avait fini un jeu qu'on pensait que c'était infinissable. Ouais. C'est Snake. Ouais. Vous avez déjà vu quelqu'un finir Snake? Non. Non. C'est impressionnant. Ouais, j'ai regardé le documentaire King of Kong. Ouais. Qui en fait retrace le parcours d'un joueur d'arcade sur le film, sur le jeu Donkey Kong. Ah. En fait, le jeu d'arcade, il va faire un super score. Ouais. T'as un autre gars qui va jouer au jeu pendant des heures et battre son score. Et au final, lui, il arrive avec une cassette où il montre qu'il a battu son score à l'avance. C'est énorme. Ce documentaire. Regardez ce documentaire d'une heure et demie. C'est super chouette. Ouais, je vais regarder aussi. Tu prévois déjà de battre ton propre score. Mais il avait tout prévu, il était malin. Et en fait, ce personnage... on peut le voir dans un film qui s'appelle Pixel, enfin il a été inspiré. Ah ouais, je l'ai vu, je crois. Ouais, c'est Peter Dinklage, il lui ressemble un peu. D'accord. Ah, c'est peut-être pour ça, ils l'ont peut-être fait exprès pour le coup. Ah oui. Tu sens la référence. Ah, c'est cool. Bah voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose à redire sur Culture Day? Oui, j'ai quelque chose à redire. Entre autres, les inscriptions au tournoi sont possibles via notre page Facebook Culture Day Jeux Vidéo. Vous nous envoyez en message privé une demande d'inscription à l'un des tournois et quelqu'un du staff se fera un grand plaisir de vous répondre. D'accord, c'est cool. Ah, que je suis sérieux, il y a des fois. On peut préciser aussi que l'inscription, elle est payante ou pas? Oui, c'est 5 euros par tournoi et par inscription. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui postulent. Oui, Je vois qu'il y a 32 le... inscrits par tournoi. Non. Non. Alors ça, c'est prévu en format 32 inscrits par tournoi. Ah, c'est pour le premier prix, pardon. Par rapport au premier prix, parce qu'il y a du cash prize. Donc ouais. De 50 euros et... C'est quoi du cash prize? Bah, c'est un prix, c'est juste de l'argent, c'est ça? C'est de l'argent liquide, voilà. D'accord, ah oui. Mais donc qui est prévu pour 32 inscrits. S'il y a moins de 32 inscrits, ça sera moins. Okay. D'accord. Par contre, le bon d'achat qui est avec de 25 euros, lui, sera de 25 euros, même s'il n'y a pas 32 inscrits. Achat de Dynamic Game, à partenaire. Tours. Mmh. Ouais, partenaire. Ouais. Donc à Tours, en Indre-et-Loire aussi. Oui. Ils ont une boutique, c'est ça? Oui, ils ont une boutique. Oh, oui. Je cherche. Rue Colbert à Tours. Ah, ok. Au c'est début aussi. De la rue Colbert, en haut de la rue nationale. D'accord. Alors, je savais même pas qu'ils avaient un truc. Pour ceux qui connaissaient un petit peu en braise l'histoire du jeu vidéo, c'est celui qui tenait le magasin Dynamic Game au bout de la rue nationale en braise. Ah ouais. Ah, c'était lui. Non, Julien. Oui, non, oui. Enfin, le. D'accord, ok, ouais, je vois qui c'est. Okay. Ah, je confonds avec DVM 37. C'est aussi non, un magasin qui était dans la rue nationale d'Amboise. Parce que j'allais souvent acheter des jeux chez lui. Ouais, non, mais là, c'est le magasin Dynamic Game. Hein. Ouais. Voilà. Il s'appelait déjà comme ça. D'accord. Ça y est, je vois l'enseigne. Ouais. Ouais. Donc, lui sera là aussi. S'il y a des gens qui le connaissaient, ils pourront venir y faire un petit coucou. Bah, on lui fait des big ups, en tout cas. Ouais. Voilà. Bah on espère que ça va bien marcher ce tournoi, on espère que Clément va gagner. Ouais. On mise tout sur notre challenger. Yes. C'est notre poulain. Allez, oui. Pardon, ah. Ça coince. Ah. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Bon, on trichera pas pour le faire gagner quand même, parce que les autres nous en voudront. Il perdra avec ses nombreux talents. Je préfère le dire, hein. C'est pas parce qu'il y a quand même un partenariat entre culture des jeux vidéo et Indestar. Eh, bien dit. Non, pas de favoritisme. Il y a du favoritisme. Non, il doit gagner avec ses propres talents. Voilà. Sinon, il perdra. Voilà. Voilà. Exactement. C'est fini. Oui. Ah ouais. Oui, parce qu'il commence à se faire tard. Ouais, c'est vrai. Il va falloir qu'on rentre chez nous. Hein. Déjà 23h13. Oui, ouais. Et pour la petite anecdote, mon véhicule actuellement n'a pas de chauffage. Alors je vais encore me les cahier en rentrant. Bah, bon courage. Ouais, ouais. Ah bah ouais, là ça va. Parce que surtout qu'il fait, il fait moins 2 le matin. Là, ouais. J'allais dire, bah c'est gelé, hein, je te confirme. Tu bois quoi le matin? Tu bois quoi le matin? Du lait caillé? Merci. Est-ce que j'ai une blague de merde? C'était la Je sors la glace du congélateur. Je te tue, mais je t'aime. C'était la chute. Je sors la glace du congélateur et je le fais fondre. Là, ce que je vois. Okay. Bon. Non, c'est vrai, il fait pas très chaud le matin. Mais du coup, on va se rentrer, on va dormir, on va se mettre au chaud sous la couette. Ouais. Et puis, ça va être très chouette. Quoi, et c'était pas une blague. Si t'as une copine qui s'appelle Sandra, tu peux dormir Sandra. Ouais, aussi. Voilà. Voilà. Allez, hop. Y'a quelqu'un d'autre qui veut en faire une? Oui, moi je dors avec Dra. Moi, genre avec Sandra, du coup. Je préfère dormir avec Sandra. Avec Linda. Il y a une blague là-dessus ou c'est Linda Paradis? Linda de Souza. C'est pas Linda Paradis. Ah. Oh là, et attention. Et si elle s'appelle Sandra Sanchez, elle a pas de chance. Ouais. Mais tu rigoles, mais j'en connais une. Si elle se marie à Pedro Sanchez, oui. Bon, allez, je crois qu'on va y aller. On va y aller, on va... On est parti d'ailleurs, on est plus là, on va. Ouais, voilà, c'est ça. On commence à partir. On va vous mettre Mash Mike, We've Love Rock. Oh, voilà. T'as bégayé là. Ouais. Il est temps d'aller se coucher. C'est la fin. Il est fatigué, c'est ce qu'on disait. Voilà. Il est fatigué, le pauvre. Écoutez, nous, en attendant, on va aller dormir. Plein de bisous. Big up à mon équipe de tournage de Alice 4. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.